La radio des studios de Rouen. Votre voix, votre style, la force de votre musique. La station underground de Montréal. Oh boy, bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug ni glitch. Bon ben, c'est bien beau tout ça là, mais c'est quoi ça? Tu veux dire la pile de produits que nous avons devant nous? Pile, je pense que c'est pas le bon mot, c'est probablement plus un tas. Bon, ouais, un tas, mais qu'on est quand même bien aligné pour l'occasion parce que on est des gens professionnels et organisés. On a un assortiment de grosses bières sales. Moi, c'est Gilles Cassette. Et moi, c'est Gaétan Cassette. Nous sommes les frères Cassette de la barrique numérique. Oui. En direct! Merci si vous nous écoutez live. Ben oui, écoute, on est plus qu'énervés d'être ici et de pouvoir vous parler live. C'est... Et puis si vous êtes pas, en train d'écouter cet épisode-ci, en ce mardi 22 décembre 2015, passé 20 heures, c'est que vous êtes en rediffusion. Ouais. Ne tenez pas compte de l'actualité en direct de la chose. Non, c'est ça, c'est comme le message à la fin de Carmen Sandiego, ce qu'ils disent que les endroits géographiques étaient pris, genre, étaient bons au moment de l'enregistrement, là, c'est la même chose. Fait que les jokes sont peut-être plus bonnes quand vous allez l'écouter, là, mais au moment de l'enregistrement, c'était parfait. Parce qu'effectivement, Kiev ne fait plus partie de l'URSS. L'URSS est plus là. T'as pas entendu parler de ça? Oh my god. Man, c'est Trump, le président de la Russie, à ce temps. Ah! Donc, tout ça pour dire qu'on a des invités. Oui! Yeah! Yeah! Et on a un public! Yeah! fait que grosso modo, nous sommes live des studios de Rouen à Montréal. C'est une place vraiment, vraiment swell où est-ce que tu peux louer un local de pratique, louer une salle de spectacle, puis diffuser live, si ça te tente. Ben écoute, d'où la raison pourquoi on est ici. Effectivement. Fait qu'on va, accueillir Christian Fafard, notre technicien et joyeux luron plus tard. Dans quelques minutes, en fait, on va faire juste faire la présentation. Ouais, parce que nos invités principaux ce soir, c'est un vieux de la vieille, si on veut. Un gars qui est parti de vraiment fucking loin. Attention, là, dans une contrée où il y a de la neige. Puis on pouvait pas faire un brassin des fêtes sans lui. Après le succès de l'année passée, ça le prenait. Fait qu'on accueille Poilman alias Yannick Lampron. Hey, bonjour Poilman, tout le monde. Bonjour. Yeah! Il est là. Et quelqu'un qui s'est invité. Ouais, ouais. Comme la vieille matante pratiquante. Mais finalement, t'es content de l'avoir parce qu'elle a un beau gâteau. Ouais, un beau gâteau aux fruits, là. Michael Larouche est avec nous. Yeah! Alright! Fait que, en gros, c'est quoi le brassin des fêtes? Ben, c'est à peu près ça. Là, on va prendre de l'IPA, de la rousse, de la blonde, de la pilsner. On va colisser un petit peu d'épices, de cannelle, puis clou de girofle là-dedans. On va brasser ça 2-3 fois. Verser ça dans nos verres à bière. Puis parler de toutes les bonnes choses qu'on a bu et joué cette année. C'est ça. C'est un peu comme un résumé de l'année en se bourrant en face de plein d'affaires et de tout. Je sais pas où commencer. J'ai beau regarder tout ce qu'il y a en avant de nous autres, ça fait mal. C'est comme un gros arbre de Noël avec tellement de lumière que tu vois même plus le sapin. Ah, c'est ça, exactement. Mettons. Fait que en gros, ça va être un top. Ça va être nos mentions honorables. Ça va être des petites déceptions parce que Dieu sait qu'il y en a. Puis les anticipations pour l'année prochaine. Et on vous réserve une superbe surprise à la fin de cet épisode. Une petite chronique Noël le fun. Oh oui. Êtes-vous capable de patienter jusqu'à là? J'espère, parce que vous n'avez pas le choix, Écoutez, non, mais c'est parce que il n'y a pas de spoiler, là, mais ça va être meilleur que l'épisode 7 de Star Wars. Yeah, boy! Ouais, ça dure avant, tu Moi, ce que je propose, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouteilles de bière! On va commencer avec la première. Tout de suite. Donc, Moi, je disais, c'est pas une pile, la bière, c'est une palissade de bière. Une palissade. C'est pas comme Astérix et les Romains. C'était beau, ça, une palissade. Ouais, et notre public vient de doubler! Yeah! Alright! Donc, on va y aller avec la Dubelle d'hiver de la microbrasserie Le Castor, qui a été fait avec des raisins à vin rouge, ce qui va être fort surprenant. C'est qui a amené ça? Là, on a entendu le pchit. J'avais pas fait dans le micro parce que j'avais peur que ça sonne trop fort, mais on a eu un petit pchit dans les écouteurs. On l'a entendu, là, ça se passe. Fait qu'on va faire le versement dans les verres, puis ben, je vais te laisser, mon cher Gilles, parler pendant ce temps-là. Effectivement. fait que, mettons qu'on commence avec certaines formalités. Ce que vous entendez en ce moment, là... Ouais. C'est pas ce que vous pensez. Ou c'est exactement ce que vous pensez. Si vous avez écouté l'épisode de Noël de l'année dernière, c'est du gâteau aux fruits. Et ce n'est pas des bobettes en plastique que quelqu'un est en train de se mettre la main dedans. Quoique j'ai des bobettes mangeables, je les ai amenées au cas où. On sait jamais. Effectivement, on aime ça, nous autres, vous mettre des images dans la tête et de la bière dans l'œil, si jamais on est capable de, avec succès, vous suggérer des bonnes bières. À ne pas confondre, on met pas d'images dans l'œil non plus. C'est, Ça se pourrait, mais on n'est pas encore rendu avec la technologie, dis-je. Moi, je voulais savoir, ce gâteau fruit-là, là, il est-tu fait avec amour par la grand-mère? Il est fait avec amour par la grand-mère de ma grand-mère, qui est grand-maman Géraldine. Grand-maman Géraldine. Parce que la dernière fois, il me semble que c'était Thérèse, mais je suis plus sûr. Fait qu'on va dire que c'était Thérèse. C'est bon, alors on la salue. Mais la fois, je disais, on pourrait peut-être essayer de voir avec la palissade de bière s'il y a des accords gâteau aux fruits. Oui, fait que ça bière va être... qui va être fait ce soir. Ça va être une bouchée de bière avec une gorgée de gâteau. Hein? Mm-hmm. Vous avez sûrement entendu le lapsus que j'ai fait là. On va faire ça au fur et à mesure de l'émission, c'est-à-dire des lapsus. Mm-hmm. Moi, j'aime ça, les lapsus. Mm-hmm. Ça goûte bon. Puis ça laisse pas de malaise. Pantoute. Là, j'ai pas réussi à splitter ça égal, mais en tout cas, on a tout un peu. C'est pas grave, ouais. Parce que ça va finir par se balancer normalement. Fait que c'est ça. Fait que mettons qu'on regarde cette première bière-là, qui est la double d'hiver. C'est clairement une double. On voit qu'elle est comme pas mal brune. C'est brun, brun pas pire à pack. C'est brun longtemps. Là. Moi, j'aime bien ça. En tout cas, facteur brun. Facteur brun. Les brunes sont pas mal mon... Ben, ça, j'aime ça, là. D'ailleurs, je voudrais juste préciser, avant qu'on aille plus loin, là, que si vous nous écoutez live, vous pouvez nous live-tweeter avec le hashtag Brassin des Fêtes 2015. Ouais, avec l'accent. Avec l'accent, très important. Et le hashtag. Tu sais, si on voit vos messages puis ça pendant l'enregistrement, on peut-être vous faire des petits calls ou répondre à vos trucs, mais pas tout le temps. Attendez-vous à rien, finalement. Non, non, c'est ça, mais on vous aime pareil. Hey, puis ceci dit, avant qu'on indulge dans autant de sucré puis tout ça, oui... Il y a une autre paire de bobettes ici. Ça, c'est une recette. C'est une recette spéciale que je fais pour mes collègues du travail. Bon, il en reste juste deux. Au pire, on les cassera. Moi, je dis que eux autres, c'est eux autres qui n'ont le plus de besoin parce qu'on les a déjà goûtés. Effectivement, c'est à eux que j'offre ça, ouais. En fait. Messieurs, si ça vous tente, en tout cas, surtout si vous avez une petite dent sucrée, j'ai ici soit un Oreo, soit un biscuit pirate enrobé de Toblerone. Hey, ça a l'air épique, ça. Ça l'est. C'est du diabète format biscuit compact. Effectivement, si tu fais pas de diabète, tu vas en faire après. Ou en fait, c'est à soir que tu découvres si t'es diabétique ou pas. Si jamais, genre, t'as une crise, quoi que ce soit, on n'a pas d'insuline, je m'excuse. Bon, un top de jeu et un top diabète aussi. Fait que je vais les mettre là, ici, si vous voulez les casser en deux, les partager, en offrir, faire des quarts. Le petit plus, c'est le biscuit pirate, donc beurre de peanut. Et l'autre ici, c'est le biscuit Oreo. Je vous propose de sacrer ça dans votre gueule et de jouir. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Fait que ça va être la première gorgée de ce brassin. On va commencer par juste une gorgée. Juste pour voir, les gars. Cheers. Santé. Cheers. All right. Hey, c'est le fun des deux micros, ça pogne bien les Quand cheers. Même, hein? Ah. Ah, ouais. Ah, oui. C'était une pause bien obligée. Elle est fucking bonne. Je vois que Poilman apprécie bien les bruits de bouche. nous autres, cette bière-là, vous la trouvez comment? Ben moi, la première gorgée, je la trouve bonne. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sucré que ça à cause du fait qu'il y avait des raisins dedans. Moi aussi. Mais finalement, c'est pas trop sucré. Ça... Un petit peu plus acidulé, hein? Ouais, un petit peu acidulé, mais tu vois que c'est une brune, là, c'est pas trop amer, c'est pas trop... Tu sais, c'est quand même assez bien contenu, là. Mais c'est vrai que t'as vraiment un petit côté acidulé du raisin, C'est vraiment plus le côté acidulé du raisin que le côté sucré en tant que tel que tu vas aller chercher. Là. Ça fait un job, en tout cas. Mais t'as combien de pourcents, elle? On commence avec du 6.5. Pas pire, à partir de maintenant, ça ne fait qu'augmenter, mesdames et messieurs. Ça fait que, on va accueillir au micro Christian Fafard. Oui. Parce que tout ça, c'est possible grâce à lui seulement, ce soir, d'être live. Malheureusement, il y a un de vous deux qui devra céder sa place. Temporairement. Fait que... Poilman s'en va pleurer dans son coin. Et son coin, il est crissement loin. Fait que, Christian Fafard, c'est, comment dire, le technicien homme à tout faire et gourou des studios de Rouen. Le mastermind. Ici. Mastermind, ouais, on va dire ça de même. T'as vraiment reviré la place de bord, si on veut, de depuis un an. C'est fantastique ce qui se passe ici. L'image a changé, la radio live, les locaux studios. D'où est partie l'idée de faire de ça quelque chose de plus... Pas accessible, mais tu sais, le fun. C'est simple. Avec toute la clientèle qu'il y a sur place, je me suis juste dit pourquoi pas. Ben oui. Qu'est-ce que j'ai pas eu droit quand j'étais jeune et j'avais joué dans des bands? C'est d'avoir une place cool pour aller jouer. Parce qu'on se rappelle que les autres places, où ce qu'on a fait, où ce que la plupart des bands, on s'est essayé plus, c'est pas les, nécessairement des les places super le fun. Quand j'ai regardé le potentiel qu'on avait ici sur place, pas juste avec les bâtisses, avec le monde qui sont sur place, avec les patrons, hein, les trois patrons, les trois propriétaires de la bâtisse ici, des studios de Rouen, c'est vraiment trois gars super. Des musiciens, c'est des gars qui ont eu un rêve, qui ont eu le rêve de, d'avoir les meilleurs studios de pratique en ville. Moi, je leur ai dit, écoutez les gars, je vais faire encore mieux que ça. Je veux que ça soit les meilleurs studios de pratique au monde. Mm. Au monde, pourquoi pas? Hein? Ben oui, hein? Ouais. Ben regarde, justement, avec cette plateforme de radio Internet, on est capable d'être entendu à travers le monde. Parce que comme c'est indiqué sur le site web, tous les groupes qui pratiquent ici peuvent soumettre leur EP demo single à toi, puis tu vas les mettre sur la radio. Ouais, je fais, je les écoute. J'écoute les EP, je choisis les chansons que je trouve les plus cool, je les mets sur la radio, on essaie de diffuser ça. On demande d'ailleurs aux gens aussi, puisque la radio Internet, rien ne vous empêche de prendre votre iPod, le plugger à votre job, mettre ça dans un speaker à votre job. Le plus qu'on peut faire de diffusion sur cette station de radio-là, plus qu'on va faire écouter de la bonne musique. Hein. Ben oui, ça fait vraiment un changement. De bonne musique. Là, sans joke, là, on est tout tanné d'entendre toute populaire de 2015. Non, mais tu sais, il y en a tellement. Mettons la même tune de Taylor Swift depuis 83. 89. Tout lol. Fait que, est-ce qu'il y a des locaux de libre en ce moment ou est-ce qu'on peut louer une salle de spectacle, genre? Ouais, en ce moment, j'ai deux locaux de libre. Deux beaux locaux de libre. J'ai la salle de spectacle, naturellement, une salle de spectacle de 1300 pieds carrés avec système de son, système d'éclairage, full equip. Location à la journée pour pré-production, pour spectacle, party privé impliquant de la musique. Une super place. On demande bref, gros club. Gros club. Ouais, ouais. C'est bien affaire. Situé aussi là, comme place. Là. C'est pas dans un raccoin louche parce que personne ne veut aller. Là. Puis non, c'est avant que ça devienne louche. Non, c'est ça. Entendons-nous pour ça. Non, mais quand même, tu sais, le quartier, il est quand même sympathique, puis c'est accessible. Il y a un métro proche, les lignes d'autobus se rendent. Il faut le dire, la petite madame du dépanneur Soleil à côté est vraiment smart. Ils ont de la pas trop pire de bière en bouteille que tu peux acheter pour bon toutes tes activités musicales, mais regarde, c'est pas nécessairement une plug, là, mais le bar Le Trèfle est pas loin d'ici. Aussi. Fait que si t'es prêt à dépenser un gros 25$ là, pour une bouteille de 330 ml d'une bière belge qui est vraiment pas piquée des verres, ben c'est à côté. Ils ont des excellent burger que t'es prêt à, mettons, faire exploser ton foie. Là, mais quand, en gros, si là, quand t'as ton local ici, là, t'es tout proche. T'es grillé, man. T'es grillé comme ton grand-père avec son Cadillac, man. Tout est là. Fait que c'est pas que j'en regarde le temps passé, mais on a quand même pas mal de contenu. Christian, merci beaucoup d'avoir réalisé ça pour super, nous. Super, thank you, les gars. Thank you, les gars. On continue l'émission. Moi, je retourne en arrière de mon ordinateur. Certain. C'est bon. Puis on va continuer à te faire acheminer cette bonne bière. Oui. Vous avez entendu le gars dans le background qui crie c'est incroyable. Incroyable! Il est là. On l'entend plus que l'année passée. En plus, c'était que c'est malade. Non, ces microphones-là sont relativement très sensibles. J'ai entendu dire que ce gars-là a gagné meilleur public de l'année 2014. Ouais, c'est ça, au gala du meilleur public 2014. J'ai comme l'impression qu'il veut récidiver cette année. Ben écoute, il y a de l'air en forme. On y souhaite bonne chance, puis vous pouvez tweeter ça live avec le hashtag Brassin des Fêtes 2015. C'est peut-être long, mais ça vaut la peine de l'écrire au complet. Fait que moi, je dis qu'on y va avec le gâteau aux fruits pour on commence avec un gâteau aux fruits. Ok, c'est bon. Petite bouchée de gâteau aux fruits. Ah ben écoute, il est déjà dedans. Sacré fils. Sacré, il est même pas capable de parler. Non. Bon ben, let's go, une petite bouchée. Oh, définitivement pas un accord. C'est un accord mineur. Ça a l'air concluant. Un accord dissonant. Ouais. Ben, tu sais, c'est bon. Le gâteau lui-même. Mettons. Il y a un bon facteur, il y a. Donc, le facteur raisin résonne pas très bien. Je pense que mes papilles gustatives sont juste brûlées. Hey boy. Oh, ouais. Oh, non. Fait que, à tous ceux qui veulent faire un mélange gâteau et bière, venez pas prendre un gâteau aux fruits avec une dubelle d'hiver. C'est maintenant confirmé. Séparément, excellent. Ensemble, no. Ouais, parce que le raisin, ça va pas dans la bière, moi, je dis. Ben non, mais je pense que la bière toute seule est bonne. La bière toute seule est bonne, mais si tu rajoutes du raisin qui vient d'une autre source de fermentation... Je pense que c'est plus la petite cerise rouge qui... C'est la même famille de cossins de fruits. C'est un fruit. Moi, attends, ta gosse. Je suis allergique à ça. Alright, fait que commençons. Commençons. Top 3, parce que top 5, ça aurait été trop long. Fait que top 3 2015. Mais attention ici, c'est pas nécessairement les nouveautés 2015, c'est les jeux sur que t'as joué en 2015. Tes jeux préférés que t'as joué en 2015, ceux sur lesquels t'as passé le plus de temps, ceux qui t'ont fait le plus obsédé, ceux qui t'ont le plus marqué, ceux que t'as tout envie d'y retourner. Commençons par Mickaël. Yeah. Ton numéro 3, toi, c'est quoi? StarCraft 2 Legacy of the Void. All right. Nice. Moi, j'étais un gros fan de StarCraft depuis bien longtemps, tu sais, dans le temps, là. Tu sais, avant qu'il y ait vraiment de l'Internet, vraiment, là. Ouais, mais c'est ça, quel temps? Le temps des dinosaures, parce que, tu sais... 94, là. Ouais, quand même, non, mais là, 98, là, quand même. Là. Ah ouais? Ouais, c'est quand même plus... Fait que bref, StarCraft 2, troisième expansion, c'était le temps, Calis. C'est bon. Tu sais, Blizzard, on sait qu'ils sont ponctuels dans leur jeu, on sait que c'est leur plus grande force à Blizzard. Fait que bref, StarCraft 2, c'est la campagne des Protoss. Protoss, ça, c'est comme des aliens, elfes, cybernétiques. Ouais, c'est l'équivalent des elfes de Warcraft, finalement. Ouais, c'est ça, mais ils sont plus technologiques. T'sais. Ouais, ouais, c'est sûr. Les deux univers sont-ils reliés d'une quelconque manière? Non. Pas en tout. Il aurait pu s'arranger pour, tu sais, faire comme une planète dans l'univers de StarCraft, là, puis comme tu joues l'univers de World of Warcraft dans une petite planète-là, mais non, ils sont pas allés aussi loin que ça. Ils ont pas assez tué des idées. StarCraft, ça a commencé comme Warcraft in Space, right? Ouais, mais c'était assez... Je sais pas si t'as déjà vu les screenshots de la version alpha, là, avec les belles couleurs mauve puis rose, là. C'était cute. C'était lettre en s'il vous plaît, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment... moi, j'étais un gros fan de la partie single player de StarCraft. Fait que moi, j'ai reçu le collecteur. Je l'ai fini en fin de semaine. Nice. OK, quand même. Combien d'heures ça t'a pris pour... Je dirais peut-être 20, là, je sais pas. Là. C'est quand même une bonne campagne. Parce que c'est quand même des... Parce que c'est que ça n'est pas tout le temps aussi de ton skill. T'sais. Genre, le meilleur que t'es à StarCraft, le moins de temps que ça va te prendre à faire la campagne, puis le pire que t'es, le plus long ça va être. Je te dirais que comparé à la dernière, Heart of the Swan qui était les orgues, je suis mort à quelques missions, tandis que les orques, je l'ai fini comme sans quasiment mourir. Ouais, moi aussi, ouais. C'était assez facile, là. Ah, oh, ouais. Fait que j'étais content qu'ils rosent un peu le niveau de difficulté dans celle-là. Non, c'est bon à savoir. Ouais, puis si je peux aller avec ça. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a joué à StarCraft 2? Ben, moi, j'ai pas joué à Legacy of the Void parce que trop de jeux en même temps qui ont sorti. Tu sais, genre Fallout qui sortait la même journée, ah, ou pas loin. Ah, non, c'est ça. La même journée, juste pour dire. Il y avait Fallout 4. Tomb Raider, puis StarCraft 2, tu sais. Toi, t'as callé off, là. Non, j'étais pas si accro que ça, mais le samedi, là, j'en ai joué jusqu'à temps que mes yeux aillent, genre, brûlent, là, vraiment. Pleuve comme... du sang. Ah ben, genre, c'est ça. Mon numéro 3, là, moi, tranche de vie, ça va être ça. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est vraiment, c'est comme, je veux continuer, mais mes yeux sont plus capables. Mais non, c'est ça, mais quand même, à cause de ça, tu sais, moi, j'ai pas joué, mais tu sais, j'ai quand même fait Wings of Liberty, puis Heart of the Swarm, puis tu sais, quand même assez accro, c'est juste que c'est une question de temps à un moment donné. Ben, c'est ça. Une affaire, je m'attendais que la campagne soit un peu plus différente dans la mécanique de base, t'sais, mais ça reste quand même similaire. T'sais, tu te promènes de planète en planète, en chaque mission, tu vas parler à chaque personne de ton vaisseau, t'as un arbre d'upgrade qu'il faut que tu pognes. Mm-hmm. Excusez. Fait que ça ressemble pas mal. J'étais un peu déçu de ce point-là. Je m'attendais qu'ils promettaient quelque chose de vraiment différent, dans le sens d'aller avoir plus de négociations avec les différentes tribus Protoss. Puis finalement, ils ont tous crissé ça au vidange. Fait que là, c'est juste plus de la même chose. T'sais. Ouais, mais tu sais, ça marche pareil. T'sais. Oh, ouais, moi, j'ai rien contre ça. Je veux dire, t'as quand même le principe. T'as comme trois tribus Protoss à comme unifier. Mais t'as les Protoss normales, t'as les Dark Templars, puis t'es les Tal'Darim. Que étrangement, ils se rejoignent à ta cause, mais tu sais, vraiment. Ils sont là, mais ils sont comme à côté, ils sont comme vraiment indépendants, puis ils sont vraiment là parce que c'est comme ça va dans leurs intérêts, tu sais, c'est comme vraiment là. C'est comme bizarre vraiment de les voir parce que t'es abattu, c'était comme les autres, c'est comme les zélotes, genre, ils trippaient sur un dieu, genre quelconque, là. Puis là, ils se rendent compte que leur dieu, ben, c'est de la merde, comme... un vrai dieu, finalement. Hey, on a l'esprit des fêtes. La mode de la semaine, là. Le petit Jésus, il est né, puis tout, on a trop d'aimer ça, les dieux. Non, moi, j'allais dire, c'est les paroles les plus sages que j'ai entendues. Quoi, t'as pas monté ta crèche, toi, cette année? Attention, j'ai un nouveau concept pour une crèche. Vous autres, votre grange, est-ce qu'elle accueille des messies régulièrement? Ah, régulièrement. Ouais, nous autres, à partir du 1er décembre jusqu'au 31, c'est un messie aux deux jours. Surtout que Justin Trudeau a ouvert les portes aux réfugiés syriens. Là, on en a pas mal de messies à accueillir. C'est une joke politique, ça? Oh! Ben, tu savais que Jésus, c'est ça, là. C'est des réfugiés, tu sais. On va passer à l'autre sujet. Ça pour dire que StarCraft 2, c'est finalement funny. Ouais. Oh. C'était une bonne... Ouais, c'est okay. Plus, il n'y en aura plus, là. Il va peut-être avoir le trou dans 12 ans, comme encore. Là, mais là, ils n'ont pas laissé de porte ouverte, comme à la fin, justement, de Wings of Liberty puis de Heart of the Swan. Non, vraiment, ça finit, ça clôt. Puis exact. C'est comme tu te demandes tellement qu'est-ce qu'ils vont faire après, tu sais, tellement. Okay, tellement que ça clôt tellement bien l'histoire, c'est comme, OK, ici qu'ils vont aller après ça, tu sais. Ah, c'est cool. Ils ont prévu faire t'es comme des DLC, comme faire l'histoire de Nova, qui est une espèce de Ghost que tu vois tout le temps, que, qui était supposé avoir un jeu dans les, début des années 2000. StarCraft son... Ghost, là. le fameux jeu sur Nintendo 64 qui était, qui était sur GameCube. Là, et... hey, je me rappelle d'un, je pense, d'un Xbox Magazine dans le temps que j'étais au EB Game, que t'avais genre un full feature sur StarCraft Ghost. T'avais même genre une image de la manette de Xbox avec tous les contrôles genre de mapper dessus. C'était un jeu jamais sorti. C'était juste le game design document qu'ils ont pitché au magazine. Ah ouais, arrange à vous. Ils ont pas eu le contrat de publicité, fait qu'ils ont rempli les pages vides avec ça, sûrement. Exact. Qui voulait mettre des pubs dans Xbox Magazine, anyway. Je sais bien pas. Ben, Blizzard. Probablement Windows. Ouais, c'est ça. Fait que, ok, ben, on va passer à ton top 3 à toi pour une question de fluidité. De fluidité. Et quand ton numéro dit 3, toi, il pointait pour elle-même. Parce qu'on peut pas télégraphier nos gestes. Ça a l'air que le pointage de doigts est pas encore diffusable par la radio. Non, les hologrammes sont pas encore rendus live. Maudite affaire. Ça sent bien. C'est de bien poche, le futur. On nous a tellement promis des belles affaires que ça se passe pas. Je te dis. Pointman numéro 3. Ouais, j'ai dû remanier un peu mon top vu qu'on a passé de 5 à 3. J'avais beaucoup de choses qui. Tu coupes numéro 4 puis numéro 5. Ouais, mais c'était comme mélangé. J'ai tassé Gone Home. J'ai mis Life is Strange à la place. Mais en plus, tu l'as joué récemment. Excusez les gars, c'est parce que je viens d'avoir un tweet de l'OQLF. Là, il faut dire la vie est étrange. La vie est étrange. Mais tu le dis une fois, puis c'est correct pour le reste de l'épisode. Donc, mon top 3, la vie est étrange. Étrange. Comme le mot appelé Life is Strange en langue originale. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, je vais lire ma description parce que je la trouve quasiment funny. En fond, c'est une petite cégepienne de 18 ans qui se rencontre après avoir assisté au meurtre imprévu dans la bécosse de son école. rewinder le temps et bien sûr, s'ensuit une course folle. Donc, j'ai quasiment envie de jouer. Moi, je donnerais le trophée de la meilleure description 2015. Ouais, je pense que c'est ma meilleure. Si c'est meilleur que ton top 1, il y a un problème, par exemple. Ouais, meilleur. Mais bref, on tombe ici dans le fameux jeu épisodique point and click à décision qui est rendu bien trending depuis 2-3 ans. C'est la grosse mode à ce temps-là. C'est la grosse mode. Je dirais qu'ils se sont dit les seuls jeux que tu peux écrire, des histoires qui ont de l'allure, c'est des point and click. Mais c'était le même dans le temps aussi. Mais plus ou moins, ils peuvent mettre une histoire intéressante dans n'importe quel jeu, mais là, on dirait que c'est comme catégorisé sur point and click. Ouais. C'est histoire. Mais tu sais, j'ai le feeling aussi que depuis Walking Dead, ça a tellement fait un impact, puis tout le monde a tellement trippé qu'ils ont fait OK, on sait que ce format-là marche pour raconter une histoire, puis que le monde soit vraiment comme involved. Là, que là, après ça, tout le monde s'est dit OK, let's go, on continue à faire ça pour plein d'autres séries, puis. T'sais, moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, c'est clair, ça va se finir par être un peu réchauffé. Ça commence un peu. Je trouvais des fois Life is Strange est un petit peu border, parce que oui, l'écriture est bonne, mais pas tout le temps. Des fois, tu tombes dans un cliché un peu niaiseux des films hollywoodiens. Là. Ouais. Puis il y a tout le concept que c'est un jeu à décision, mais tu peux toujours rewinder le temps. Ouais. Fait que tu peux toujours changer ta décision. Fait que t'as plus l'impact comme dans Walking Dead où ce que. Tu fais de quoi? T'as plein de décisions qui te font chier parce que je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Là, ça me plaît pas. Finalement, dans le jeu, t'as peut-être deux décisions que tu peux pas rewinder. Tout le reste, tu choisis ce qui va de mieux, ce qui est mieux pour le déroulement de l'histoire. Oh, ouais. Donc, c'est ça. Mais quand même, au niveau de la direction artistique, visuellement, la musique, les thèmes aussi, c'est quand même très bien fait. C'est une belle histoire. C'est publié par Square Enix, right? C'est fait par Dontnod Studio, publié par Square Enix. Parce que quand même, tu sais, il aurait pu dire... c'est pas le genre de jeu que je vois Square Enix publier normalement, tu sais. Non, mais je trouve ça le fun parce que justement, ça donne de la visibilité à un plus petit projet qui n'aurait pas nécessairement eu s'il n'avait pas été publié par un si gros genre publisher. Tout à fait, puis même j'avais vu à quelque part que ça les a sortis du trou parce qu'il y avait eu bien de la misère avec, Remember Me. Border faillite, puis Square a comme décidé, OK, on va vous publier. Remember Me qui n'était pas si mauvais... Mais c'est commercialement, ça a pas pogné. C'est ça. C'est pas un jeu qui a vendu une tonne. T'sais, c'est un jeu que généralement, la plupart des personnes qui ont joué, ils ont apprécié, mais c'est pas. Ça a pas marqué ou quoi que ce soit. T'sais, c'est un jeu parmi tant d'autres. Je pense qu'il est un peu underrated à cause de ça. Il y a quand même de quoi de bien intéressant. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup brisé sur la jouabilité. Les quelques heures que j'ai mis dedans m'ont pas laissé penser que c'était c'était mal chié, là, tu sais, mais... Ben, moi, il partait pas sur mon ordi, fait que ça... Ah, ben, moi, ça part bien. Ça part bien. Mais on l'a vu avec Arkham Knight, là, que c'est pas vers jeu. Hey, il reste-tu un petit peu de fond de quelque chose? La duvelle, non, elle est pas mal finie, fait que... on va le laisser finir. Je vais juste conclure, c'est ça, au niveau artistiquement, thématiquement, c'est une belle histoire, c'est une belle ride, des défauts. L'épisode 4 est écœurant, il est super bien écrit, j'aurais aimé ça que ça soit aussi solide pour les 5 épisodes. Puis à la fin, tu as la babée molle, tu pleures, t'es triste, fait que... Ben c'est bon pour ça. Je pense que c'est un bon jeu pour ceux qui aiment les histoires, puis de jouer une petite cégepienne hipster. Je prends des photos si jamais ça vous appelle. Parce aussi. Que ça aussi, ça, c'est bien trendy. C'est, dans c'est des photos c'est... de cégepienne hipster, moi, je suis tout le temps in. Ce jeu est donc pour toi. Non, c'est ça. Bon, fait que avant que nous autres, on procède à notre numéro 3, ben, on va en ouvrir une autre. On dit déboucher. On va en déboucher une autre. Pis fait ça. Que celle-là, c'est la Trooper que Christian nous a amenée. Donc, Christian, merci. On dit merci à distance. Right, yeah! Ouais, je suis content. Puis on va faire un gros shout-out à Boulevard Brutal pour, nous avoir manifesté l'existence de cette bière-là sur les internets. Puis écoute, le nombre de SAQ que j'ai fait, le soir même que j'ai appris son existence pour la trouver, mais en vain. Depuis ce temps, je suis en quête de trouver une Trooper. Fait que t'en avais jamais trouvé avant ce soir. Je n'avais jamais tenu une dans mes mains. C'est un beau moment. Fait que c'est une première. Là. C'est une grosse primeur de fou. Je capote. Je... Ça sent bon, j'ai tellement hâte, bout de gage. Il y a la Trooper, comment qu'elle s'appelle? La Trooper 666 qui s'en vient. Il y a comme deux bières de Maiden. Là. Ouais. Ça, c'est comme la première. Là. Ouais, effectivement. Fait que. Non, c'est ça, hein. Il va falloir qu'on se débarrasse de nos bobettes qui traînent ici. T'as-tu pris ton autre moitié? Ouais, ouais, je l'ai mis par-dessus le gâteau fou. Ah, ok. Bon. Là, je me fais un monticule de sucrerie. Comme c'est là, le petit Oreo en rebut de Toblerone est parti. Verdict. C'est très bon pour le diabète. Ouais. Alright. C'est bon, c'est ça le but, en fait. C'est pas facile, je fais le pas. Je fais le semi. Semi temps des fêtes, là. Fait que deux down. Deux down. 5 to go. On a quelque chose de... Ça fait plus bière traditionnelle, tu sais, genre une espèce de petite lager. Ouais, santé. Cheers again. Le petit bruit nord anglais. Mais ouais, quand même. C'est une rouge, je pense, je me souviens. Cheers à Christian. Ouais, c'est pas trop pétillant. Non. On va voir. Ah oui. J'aime ça. C'est une bonne bière de... C'est une bière de soif. C'est une bière de soif, mais il y a un petit côté céréalier qui ressort. Tout à fait. Je ne saurais dire quel céréal. Ouais. Le sarrasin, ça se peut-tu, c'est ça qui ressort? Ben écoute, laisse-moi te regarder en arrière là-dessus. Il l'a-tu en français, la description de la bière? Parce que la charge de la brigade légère qui inspira The Trooper, la chanson d'Iron Maiden, prit place lors de la bataille de Balaklava en 1854, pendant la guerre de Crimée. Ok, finalement, non, je ne lirai pas tout ça, ça va être long. Crimée, hein? C'est baklava, hein? Comme tout est dans tout, là. Oui. C'est ok, lou. Bon, on va-tu chercher un baklava, finalement? Dessert, cette affaire-là. Peut-être après les gâteaux aux fruits, là. Parce que je sais pas si mélanger ces affaires-là, ça, c'est bon. Mais ou pas, c'est un mélange unique de houblon, bobek, goldings, cascade, confère à cette bière d'une robe or profond, c'est des cascade, arômes hein, de malt et d'agrumes, ainsi qu'une note subtile de citron. Ben je goûte pas tout ça là, mais peut-être que ça va se développer au fur et à mesure des gorgées rentrantes. Non, je goûte pas le panier d'agrumes. Ça goûte un peu de fruits. Je l'ai un peu le panier d'agrumes, mais pas tant. Non mais il y a une petite amertume d'agrumes genre. Alors le petit chaperon rouge va revenir avec son panier d'agrumes. Moi pendant ce temps-là, c'est clair que j'essaie pas un accord gâteau. Non pas avec ça. Je suis comme pas convaincu que ce soit une bien bonne idée. Fait que sinon, ben, toi, mon cher Gilles, ton numéro 3? Ben moi, mon numéro 3, c'est un peu un genre de pas un guilty pleasure, mais un genre d'affaire de même, c'est Mortal Kombat X. X ou Isk ou X. J'aime bien Isk, moi. Peu importe la manière que vous voulez le dire. La raison pour ça, c'est bien simple, c'est que c'est probablement mon jeu de fighter préféré. Parmi tous ceux qui existent. J'aime les personnages, j'aime un petit peu la mythologie derrière tout ça. Puis Mortal Kombat, pour moi, ça a vraiment nourri, si on veut, là, le gamer en moi. Tu sais, là, faire des nuitées complètes, des nuits blanches à jouer à Mortal Kombat, essayer tous les bonhommes, essayer les affaires. Faire des sleep-in, des sleep-over, des affaires de même chez les amis pour c'est ça là, tu sais là, montrer avec les moves écrits à la main dans ton cahier hibou là. Copier à la main du seul game pro qui existait dans le village que le seul gars a acheté puis qu'il a fallu que comme que tu payes 5$ pour avoir accès 5$ le prix ouais. Pour avoir accès à son game pro pour être capable de le copier puis t'avais un temps limité pour le faire, fallait que tu y ailles. C'était vite. Cher le game pro pareil. C'était pas donné. Non, mais lui il me louait le temps que j'avais pour pouvoir copier. Il avait compris la game, lui. Bonne gamme, ah ouais, absolument. Puis j'avais fait un mini-événement avec un de mes chums à la sortie de Mortal Kombat 9. Je m'étais levé, hein? comme tout le monde fait à chaque jour. Ah, tu te lèves, toi? Des fois. D'autres fois, je suis juste roulé en bas de la grange. Ouais, c'est correct. Je me suis rendu au club vidéo le plus proche. J'ai acheté une deuxième manette pour mon Xbox 360 et j'ai demandé, mais où est donc la copie de Mortal Kombat 9? Que le gars, de dire, ah ben je l'ai pas encore mis sur les tablettes, puis moi de penser, m'a tué. Ça... ben là, il allait jouer à Mortal, il était dans le monde. Non, c'est ça. Là, pis, Gilles pis la violence. Là, c'est... J'ai attendu toute la journée jusqu'à ce que mon chum finisse son shift, qu'il vienne chez nous puis qu'on start en même temps, que lui prenne Sub-Zero, moi Scorpion, puis qu'on parte Mortal Kombat 9. Ce qu'on a fait pour Mortal Kombat X, puis j'ai même pas encore parlé de jeu encore, là! Ce qu'on a fait pour Mortal Kombat X, c'est que lui, il s'est, le même gars, là, il s'est précommandé ça sur son PlayStation Live. On a fait un mini-party chez lui, fait qu'on était trois, là, lui, moi et un autre chemin. D'ailleurs, c'est Verpac, là, le gars qui a fait notre petit jingle d'intro. Et puis, j'avais amené un gros baril de Heineken, tout ce qu'il faut pour faire les nachos les plus torchantes possibles. Puis on a regardé le compte à rebond descendre, puis je vous jure, on a crié de 10 à 1 comme si c'était la veille du jour de l'an. Puis après ça, le story mode marchait pas. En tout cas, plein d'affaires, plein de problèmes. Belle soirée. Mais encore une fois, Scorpion Sub-Zero, pour entamer notre relation avec le nouveau Mortal Kombat, ça a fait la job. Bon, le jeu il est encore plus beau que la version précédente. Des nouveaux characters qui sont très intéressants. Des belles interactions à faire avec les environnements. Tu sais, j'aime ça, Mortal Kombat. Il est le fun, il est rapide, il est snappy. Il y a encore beaucoup de répétitions avec les X-Ray Attacks. Ça, malheureusement, il aurait peut-être pu avoir... L'affaire, c'est que c'est super impressionnant la première fois que t'es voué, mais quand c'est à la 15e, à un moment donné, t'as fait le tour. Quand c'est la 5e vessie que t'explose, c'est pas que ça revient redondant, mais ça veut dire que toi, t'es peut-être mieux de changer de character. Puis je pense que c'est là la clé pour vraiment apprécier le jeu, c'est d'essayer tout le monde. Oui, tu vas avoir tes préférés, mais qui c'est qui nous dérange? Ah les gars, bref, donc, bref, non, j'ai passé beaucoup de temps à ça, j'ai commencé à bien aimer Raiden, j'ai commencé à bien aimer, je pense que c'est Quan Jin, une affaire de même. Je pourrais bien pas te dire. Fait que toi, t'as même pas joué. Je voulais qu'on fasse un barrique dessus, t'as dit... Je pense que c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, j'en donne pas de seconde. Fait que bref, Mortal Kombat X, c'est dans mon top 2015. Parfait, ça. Toi, Guétin. Mais moi, vous avez peut-être pensé que je suis bizarre de pas le mettre dans plus haut que ça, mais ça va être Fallout 4. Quoi? Ouais. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas assez joué, je vais pas le mettre plus haut. Mais non, écoute, t'sais, comme je disais avant de rentrer en onde, j'ai pas joué une tonne de jeux cette année en partant, fait que ça laissait mon choix de jeu assez limité. Puis un des jeux que j'ai joué, c'est Fallout 4. Seulement pour comme 8 heures à date. Ce qui est pas beaucoup, là. Ce qui est infime, là. T'as même pas sorti du vault encore, t'as encore tes bobettes. Non, quand même, j'ai été surpris, tu sors du vault vraiment tôt dans celle-là. Très. Genre, ça prend 40 minutes top, sortir du vault, puis encore là, 40 minutes si tu fouilles, là. Moins. Parce que c'est vraiment pas long. Mais non, c'est ça. Sinon, tu sais, c'est pour tout le monde qui a déjà joué à Fallout, ben mettons Fallout 3 New Vegas, là, parce que les autres, c'est pas des vrais Fallout. Ben, c'est des vrais Fallout, c'est ça l'affaire, tu sais. Ils sont pas pareils à ce que Fallout 3 est. Mais non, c'est exactement le même principe. Fait que, tu sais, c'est le jeu de rôle qu'on aime tant. Tu te promènes, t'as un gros monde ouvert, tu sais jamais où aller. Ben, tu sais jamais où aller. T'as un marker pour te dire où aller, mais tu finis par te perdre parce que c'est comme « Ouh, shiny! » Tout le temps. « Ouh, shiny! » Finalement, tu finis par genre juste jamais aller à ta mission. Mais sinon, c'est ça, c'est super fun. Ils ont racheté du crafting, c'est vraiment cool. Fait que tu peux bâtir ta base. Ben moi, en tout cas, je voudrais pas donner de spoiler, mais ça va venir plus tard, plus... Ben je sais, mais là, je vois juste comme en surface. Ouais, ok, c'est bon. Et tu peux bâtir ta grange, c'est ça que tu dis? Non, exactement. Tu peux bâtir ta grange. Tu peux pas mettre d'âme dedans, par exemple. Je suis un peu déçu. Je pense que les âmes sont morts avec l'attaque nucléaire, malheureusement. Mais il y a des vaches à deux têtes. Ça fait vaches à deux pas têtes. Mal la job. Mais un dette là, puis une vache, finalement. Tu sais, c'est vraiment la même chose. Yark! Fait que c'est ça. Fait que non, c'est un bon jeu. Je pense que ça vaut la peine de le jouer. Si t'aimes te perdre dans un univers qui est complètement immense, puis que tu vas développer un personnage complètement fou qui va crafter un paquet d'affaires fucked up. Tabarnouche, man. Au QLF, faut vraiment nous ramasser à soir. Okay, ah, moi, c'est le QLF. Là. 25e X. Ok, c'est beau. C'est correct. Mais fait que c'est ça. Non, mais sérieusement, tu sais, si vous avez joué à Fallout 3 à New Vegas, joué à des jeux comme Skyrim, Oblivion, ces affaires-là, c'est exactement le même. Le même moteur buggé. Ben, c'est ça, exactement. Malheureusement. Mais ça, ils disaient, tu sais, eux autres, ils savent que c'est buggé, puis en même temps, ils veulent quasiment ça de même parce qu'ils veulent garder la team, genre, assez petite pour que ça soit manageable, genre. Fait qu'il y a mieux avoir un petit team de QA qui va genre comme avoir les bugs les plus majeurs qui vont les rentrer, puis que le reste, ben, tu sais, c'est pas trop grave. Là, on va fixer au fur et à mesure que les pages vont rentrer. Là. C'est triste, c'est comme devenu partie intégrante des jeux de Bethesda. T'sais, ces bugs-là, oh, ouais. tu t'en fous parce que c'est ça un jeu de Bethesda. C'est le corps qui vole partout. Écoute, les c'est qui change. C'est comme les petits grumeaux dans la bière qu'on a bu tantôt. Là. Ça c'est bizarre, mais c'est agréable quand même. Non, c'est ça. Ça donne son charme, je dois t'avouer. T'sais. Mais étrangement, sur PC, j'ai pas eu tant de bugs que ça. J'ai pas joué une tonne. Là. Mais dans 8 heures que j'ai joué, j'ai peut-être vu un bug d'animation un peu étrange, puis ça a fini là. Fait que j'ai été vraiment surpris, mais je sais pas ce que ça donne sur console. Je voudrais demander à lui. Ben, dans deux numéros, en fait. C'est bon. Non, mais il y a plein de monde qui a arrêté d'écouter là parce qu'il attendait juste ton top 1. Ah! Est-ce que j'ai peut-être un entre-deux, là? Oh! Faut pas oublier que les décimales comptent. Ah, eh boy, non, j'ai pas fait de 0.5, moi, je m'excuse. Non, facteur décimal. Vos impressions sur les quelques gorgées de bière de Trooper que vous avez mis dans votre yole, c'est quoi, là? C'est une bonne bière de soif. Moi, je vois pas ça vraiment plus loin que ça. T'sais, c'est sûr que c'est mieux que genre de la Bud puis de la 50, ces affaires-là. Mais la 50 QV83, par exemple, qu'on disait... Celle-là, là, elle était sharp en esti. C'est pas une bière spéciale qui a un caractère spécial, mais c'est une bière comme type de soif avec un petit peu d'autre chose qui rend quand même intéressante. Exactement. Qui est pas juste... Au moment où une canette de 740 de 5 ans s'est fait dropper sur la table. C'est dans un banc de neige quand tu vas à la patinoire, c'est merveilleux. C'est pas exactement. C'est comme un thermos aussi. Ouais, c'est... Ou une grosse batterie pour se recharger après avoir bu cette grosse quille de bière de même. Mais non, sinon, c'est quand même une bonne bière. Honnêtement, c'est juste qu'elle se trouve juste en SAQ, puis bonne chance pour la trouver. C'est juste ça le problème. Heureusement, on va passer tout de suite au numéro 2. Avant, il faudra en ouvrir une autre. Je suis bien d'accord avec toi. Mais peut-être. Un feu roulant d'action. Ah, écoute, ça lâche pas. Ben, celle-là, je vais laisser Mickaël l'ouvrir puis y en parler parce que c'est celle qui a amené. Tu pourrais-tu juste dire que ça n'a pas de classe, la quantité de bière qu'il y a à soir sur la table? C'est correct. Ça manquait à soir, ça. Hey, le public n'a pas entendu cette pichette-là, mais je vous jure, quand ils vont le réécouter, par exemple, là, il n'y a pas l'air. Mais attends, est-ce que le public trouve ça incroyable? C'est incroyable! Malade! C'est bien ça que je pensais. En plus, t'écris la formidable dessus. Tu vois. C'est formidable! C'est la même chose. Fait qu'on boit de la gigantique. Je l'ai pris parce qu'il y avait un méca dessus. Ouais, belle bouteille. Ouais, c'est une petite belle bouteille. Ben, c'est Bose qui la brasse, faut le mentionner. Il y a quelques fanboys de Bose dans cette pièce. Aucune image, pas de quoi tu parles. Aimions quand même pas pire les produits de Bose. Moi, je dirais que c'est peut-être qu'il faut le dire plus tard, mais Bose a été ma découverte pas mal de brasserie cette année. Ah, c'est bon. Mais tu sais, moi, c'est une brasserie que je connaissais depuis un bout de temps parce qu'il était au Mondial de la bière. Tu sais, ça fait quand même une couple d'années qu'ils sont là. Mais il n'y avait pas leur produit au Québec, fait que on savait pas trop exactement ce que ça allait donner. Ouais, moi c'était la Bug Hopper que j'avais essayé. C'est-tu la Bug Hopper ou c'était la Bug Father? Bug Father, t'as raison. Avec la Bug Father, c'est une gruite. C'est ça. Avec la Bug Father, t'es au gruite. Effectivement, ça goûtait ces petites affaires-là. Là. Une étiquette fantastique là, avec le domaine. Mais qu'est-ce une gruite? Une gruite, c'est une bière qui est brassée sans houblon. Ça se peut, ça? Ouais. C'est une bière qui est faite avec juste, tu sais, ça peut être des fruits, des racines, comme un paquet d'affaires. C'est juste qu'il n'y a pas de houblon dedans. Ce qui est spécial, là, merci, tu vas dire. Genre, tu appelles les bières médiévales, c'est-tu la même chose? Je pourrais pas te dire, tu sais, il doit y avoir comme quelque chose qui qualifie vraiment une gruite de gruite, là. Ça sonne pas beau en yale. Non, ouais, ça sonne nasty, on dirait. Que... Je préfère quasiment le dire en anglais, puis manger les flippants d'azur d'une groute. Mais bref, on a affaire à un IPA belge américaine, fait que je sais pas c'est quoi que ça implique le mélange des deux. 6,9%. J'espère que t'as assez bonne pour que je la boive dans mon Gundam. Écoute, d'après moi, oui, on est trois à l'avoir goûté, je pense, parce que... C'est moi qui l'a pas pris hier soir, ouais. Là. Ouais, c'est ça, parce que nous deux, on l'a pris, lui, c'est pas clair, parce qu'il est en train de taper en même temps. Ouais, que... ouais, non, mais je l'ai déjà bu quelques fois, d'ailleurs, quand le groupe Cosmonaute, qui est ici présent comme public en délire... Non, parce que le Festival des Gamics avait fait une entente ou je sais pas trop, une collaboration en fait avec Bose pour le festival en tant que tel, et puis pour la soirée du bloc de béton qui était une soirée spéciale où tous les locaux de la boîte à musique étaient ouverts à tout le monde. Finalement, tu te promenais de salle en salle pour voir les groupes. La bière servie sur place, c'était de la Bose. Il y avait la Log Tread, la ouais. Festival et celle-là. Puis moi, j'ai bien fait de ne pas prendre elle. J'étais pas pacté venu le temps de jouer. Ouais, c'est la Log Tread, t'es plus simple. Ah oh, oui. Ah oh. Oh, oui, ils sont bien d'accord, eux aussi. Tout le monde a trouvé ça le fun. Fait que une bien bonne IPA que j'ai bien... Ouais, cheers encore. Oh, de santé. Ça, là. Caroline, on chine beaucoup. Hey, ça sent l'été. Les ciboires, ça goûte... Ah oh, ouais. Ça sent le pain, hein? Ouais, ouais. Ah ouais. Ça sent... Ben, ouais, IPA belge, il ouais. y a de la lover là-dedans, mon homme. Yes, sir. Fait qu'on tombe toutes malades demain, hein? C'est ça. Okay, okay. C'est pas grave, je travaille pas. Ouh, je suis en vacances, moi aussi. Yes, sir. Facteur vacances pour la vie. Il y a juste Poilman qui a un char loué, il faut que ça retourne chez eux. T'aurais dû venir en métro. Ouais, mettre mon char dans le métro puis m'emmener. En fait, je pense qu'il remonte à coup de joie quand en char à soir. Je mets ça sur le carton. Mais c'est pas un char des Jetsons que toi, tu pèses un petit piton puis il se ferme en valise, là. Peut-être, faut que je fouille ça. Peut-être tu check, parce que les modèles 2015 sont rendus avec ça à cette heure. Ah, ça, il y a un petit piton là, en dessous du volant, là, tu pèses là-dessus puis ça se... Tu le grand gazou avec toi? Ouais, tout le temps. Le grand gazou, il était pas dans Jetson. Ouais, c'est la même gang, c'est le même créateur. Santa Barbara, c'est tout pareil. Fait que comment vous aimez la première gorgée? Ben aimez ça, ouais. Moi, c'est une bière que je trouve vraiment fraîche. Si comme ben, il y a bien de l'amertume, là, mais il y a de quoi de frais dans... Mais étonnamment, les IPA, moi, je trouve que c'est des bières d'été, parce que justement, l'amertume fait que c'est frais, étonnamment. C'est bizarre à dire, tu sais. Autant que c'est astringent que c'est frais en même temps. Ouais, c'est comme l'idée de boire un café chaud pour te refroidir l'été. Je vois pas le lien, mais sure, ouais. Écoute, non, mais c'est juste ça que je voulais faire. Hein. Je suis pas sûr que le gâteau aux fruits va aller avec, par exemple. Moi non plus. Ouais, je vais m'essayer. On a quelqu'un de courageux ici. Ouais, on va le laisser. On va laisser Poilman l'essayer. Tu veux faire comme le goûteur dans la story, ça. Ah oui. Pas long, on va t'entendre dire oula, oula. Oula, oula, oula. Tu vas en mal au ventre. Ah non, mais un peu de contenu, là. C'est pas intéressant, mais c'est pas si pire. Ben, tabarnache, c'est pas intéressant, mais c'est pas désagréable. Il y a moyen avec la cerise, moi. Faut quand même donner un peu d'amour au gâteau aux fruits, là. C'est un but qu'on les lit. Ouais. Hein? Il y a des signes qui se font ici. Il y a beaucoup de signes. Peu radiophonique. Fait qu'il y a quelqu'un qui... Pour ta bière! Ah! Je pense que ça va aller, honnêtement. Ils sont pas si pires. Oh non, puis par le temps qu'on les finisse, ils n'auront pas le temps de devenir tablette. Non, c'est ça. Crayer moins. Honnêtement, je trouve que le gâteau fruit fait ressortir le côté salé de la bière. Ouais, il y a de quoi. Ouais. Il y a du sel qui ressort. Ça, je suis d'accord. Tu perds le côté, justement, tu sais, belge, si tu veux, de la bière, puis c'est vraiment le côté IPA, genre un peu salé, amertume, qui ressort. Ok, fait que belge. Mais c'est pas mauvais. Plus égale moins de. Belge plus fruit égale plus sel, donc moins belge. Ok, c'est... non. Juste non. Il s'en vient compliqué, c'est affaire. Non, mais c'est avec top 2. Fait top 2. Top 2. Michael, ton numéro 2. Ouais, j'allais un peu différent du top 2 que j'ai fait dans un autre podcast que je nommerai pas ici. Rétro-nouveau. Pas obligé de nommer rétro-nouveau, là, c'est ça. On va quand même les nommer, juste savoir à peine. Ouais, ben bref, je vois que le jeu, je pense que j'ai joué le... un que j'ai joué le plus cette année, que j'en ai plus parlé aussi, Chrono Trigger. Ouais. Hey, tu l'as déjà fait 12 000 fois avant cette année. Ben oui. Hey, cette année, je pense que j'ai fait le tour 4-5 fois parce que, tu sais, pour faire la capture de mon spécial que j'ai fait. C'était excellent, d'ailleurs. Pour le conservatoire rétro. Fait que j'ai fait une capture là. Puis en plus, j'ai fait une modification qui permet de jouer de la musique orchestrale qualité CD. Fait que là, j'ai fait que je fasse le jeu cette fois-là, une autre fois-là. Fait que, tu sais, j'ai comme fini 4-5 fois ce jeu-là cette année. Puis évidemment, je me suis écœuré jamais parce que ce jeu-là, il est juste trop excellent. Tu m'as inspiré, Michael, parce que je l'ai fini pour la première fois cette année aussi. Hey, je suis fier de toi, Poilman. Après beaucoup trop de tentatives sur la version PS1, là, j'ai fait la version DS. Puis là, DS, c'est elle qui t'offre le plus. C'est le meilleur des mondes. C'est tight comme le Super NES, puis t'as les full motion vidéo du PlayStation. C'est juste merveilleux. Belles cutscenes. Ben, ouais, bien fait, hein. C'est 30$, c'est parfait. C'est le monde qui court après la version Super NES. Là. Partez pas votre temps, prenez la version DS. Ben, je pense qu'un item de collection rendu, c'est que si tu veux l'avoir juste pour dire j'ai la cassette de Chrono Trigger, ouais, ça vaut à peine. Il y en a qui veulent pour y jouer. C'est comme non, c'est ça. Si tu veux juste jouer, je vais te chercher la version DS. C'est aussi sinon meilleur. Là. Ben, ouais. ils ont refait la tradition que ce plus fidèle aux japonais. Ah, ouais. Okay. Moi, en anglais, ils ont gardé les noms de localisation de la version américaine. Mais si tu joues à la version française, t'as comme t'as les noms japonais, genre t'as comme. La Masamune, elle s'appelle Grand Léon. Ah, cool ça. Ozzy Flea, puis Slash, il s'appelle genre Mayo, Soysa, puis c'est quoi l'autre? Ah, ça, c'est le côté Toriyama. Ah ouais, le côté Toriyama, il ressemble un petit peu plus. Ozzy puis Slash, c'est comme un super band de rock, ça là? Ou... Ben, en gros, dans la version américaine, il y a comme les trois henchmen de Magus qui ont nommé Ozzy, Flea et Slash comme les musiciens de rock. Là. Ben content d'apprendre ça. Moi, Chrono Trigger, c'est vraiment c'est des noms de bouffe. Ben, ils ont fait la même avec les trois gourous, genre ils ont appelé Melchior, Balthazar, ouais, et Gaspard, tu sais, comme les trois autres là. Hey, hashtag Brassin des fêtes. Brassin des fêtes. 2015. Hashtag temps des fêtes. Ouais. Souvent, je me reprends depuis tantôt quand j'ai chialé comme petit Jésus, j'ai connais, là, tu sais, les voix mortes, là. J'ai fait mes cours de catéchèse, ok? Hey, si j'ai fait mes cours de catéchèse, crée-moi. Hey, je me souviens encore mes prières. Tu sais, pendant que le monde cool s'en allait faire de la trampoline en morale, là, ben genre, t'avais une fois que t'es pogné en catéchèse. Il allait faire des parties, virer des bras, faire la tournée des bars, toi, t'apprenais, là, notre affaire. Les tabarnak. Ces hosties-là, là. Fait que bref, je pense que je peux pas en rajouter plus Chrono Trigger. Jouez à ça si vous avez pas joué comme Poilman, parce que sinon je vais vous dire. Ah, mais là, j'ai joué, là! Non, mais je parle avant, là. À ce temps, t'es correct. Ouais, là, je suis correct, je suis plus un impie. You're one of the cool guys. C'est ça, exact. Sinon, je vais vous en regarder avec des gros yeux. Ok. Je l'ai joué, mais je l'ai pas fini, ok? Les avez-vous vu, ces gros yeux? Ouais. Pam, pam, pam! Fait que c'est ça, Chrono Trigger, allez voir ça partout, là. Cherchez Chrono Trigger. Ben, je pense que ça vaudrait la peine qu'on dise d'aller voir ton épisode du Conservatoire Rétro là-dessus. Ouais, en quatre parties, c'est comme ça dure une heure et quart, je pense, au total. Mais si t'as jamais joué, par exemple, si tu peux avoir une couple de spoilers. Ouais, un petit peu de spoilers. J'ai mis un bon avertissement au début, genre, pour être sûr, là. Fait que ça va être radiophonique en plus. Ah oui. Quelqu'un, genre, qui a déjà joué au jeu, qui veut juste comme revivre un peu l'expérience, puis voir du monde en parler, c'est parfait. Ah non, pour l'expérience nostalgique, c'est vraiment les anecdotes d'Éric Hébert sont hallucinantes. Fait que s'il vous plaît, tweetez ça, ouais. Mon cher, puis on va s'assurer de répandre la bonne nouvelle. Oui, yes. J'espère. Fait que numéro 2, Point Numéro 2, moi, c'est pas un jeu de deux. attention, on sauve la peine gorgée. Et puis d'oxygène. C'est pas un jeu de 2015. Parce que moi, je suis allé avec les jeux Jouzé qui ont fait un facteur wow. Hashtag Jouzé. Jouze. Je suis allé avec un autre jeu point and click avec de l'histoire. Okay. Je suis pas très original. Hey, toi, t'as juste besoin d'une souris pour jouer à des jeux vidéo, finalement. À peine. Une bière d'une main, une souris d'une autre. Pas les claviers. C'est là qu'on aime ça, nous autres. Hey, finalement, ça a des avantages, si toi. Donc, c'est su, à ce temps que je pense. Ouais. C'est donc un jeu de Telltale, encore, et c'est Wolf Among Us. Ah, ouais. Qui vraiment été un gros wow. J'avais vaguement entendu parler du jeu. Je savais pas vraiment si c'était bon ou c'était pas bon. Je vais l'essayer. T'es tombé sûrement en rabais quelque part sur Steam. Il faut dire, c'est basé sur les comic books Fables. Ce que je savais pas, ouais, qui est pas Fables, le jeu de Xbox. Non, pas Fables, là, mais t'as une série de comic books qui s'appelle Fables, puis c'est un peu comme les personnages des fables qui sont comme dans une espèce de monde un peu noir. En tout cas, dans le jeu, enfin, bon, c'est un jeu Telltale, puis c'est basé là-dessus, comme tu dis. Dans le fond, c'est un quartier de New York. Ouais. Qui se trouve à être un peu là où vivent les personnages de contes de fées maintenant parce que les contes de fées n'existent plus parce que le monde suit plus ça, les petites filles écoutent plus. Ils sont pas sur les internets, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'il y a comme, ils vivent dans ce quartier-là en communauté, puis il y a le shérif de la gang, mais c'est Big B qui est le personnage qu'on joue, qui est le grand méchant loup finalement, qui est le grand méchant loup qui revient dans plusieurs contes, ça s'ajoute là-dessus. Pis c'est pas super cute comme univers. Disons qu'ils ont de la misère à faire leur fin de mois. Ça a l'air dark. T'as genre le petit chaperon rouge qui fait les qui est danseuse. C'est comme les bougons qui rencontrent les fables de la fontaine. Mais pas drôle. C'est ça. Vraiment pas drôle. OK. Pis... Y a pas de bonheur dans cette histoire-là. Non, c'est ça. Fait que tu vas chercher vraiment beaucoup de thématiques intéressantes là-dessus. Tout ce qui est racisme, exclusion sociale, la pauvreté. Hey, t'es deep, man. Mais avec les personnages de contes de fées. En tout cas, c'est un gros clash qui est Noël, super là. Intéressant. Hashtag Noël raciste. Bon, attends. ça va se passer d'affaires noires dans le monde, faut qu'on en rajoute. Ouais, ouais. Mais. Ouais, c'est ça, j'ai perdu le fil un peu. Mais ouais, j'ai bien aimé le clash justement du fait qu'on joue des personnages de contes de fées dans un univers complètement pas contes de fées. Hey, vous tinquez vos bières, vous autres. T'avais hâte de passer à la prochaine. On est les frères Cassettes. Ouais, c'est on, pas, je sais on pas, pas, je sais pas ce que tu pensais, là. Le calage de bière. Moi, je vois, dis pas ça pendant que j'ai m'engagé dans la gueule. On jase. On jase, mais je vais goûter moi facteur aussi. Facteur brou dans le nez. Puis c'est ça, c'est un autre point and click. Je trouve qu'ils ont amélioré encore un petit peu la jouabilité. C'est quand même action dans certaines séquences. C'est assez, comment on pourrait dire ça? Quick time event. Les quick time events sont comme intuitifs. Okay. Tu as comme l'impression d'y aller dans les mouvements. Il y a quoi qui est cool dans les scènes d'action. Okay. Les choix sont super le fun. T'as un côté moi, je trouve qu'il y a des côtés RPG dans ces jeux-là à décision. Quand ben... tu as une décision que tu prends, puis tu peux pas revenir en arrière, puis ben, tu sais, le terme RPG, tu sais, c'est role-playing game. Puis en tant que tel, tu joues un rôle, tu fais des décisions. Fait mais je trouve que ça fait, dans ça ces fait jeux-là, ça. Tu joues un rôle parce que soit que tu joues comme moi en tant qu'individu, ce que je veux qu'arrive dans l'histoire. Ou des fois, tu dis, ben, selon le personnage que j'ai décidé de jouer. Ouais. Parce que là, tu as un Bigby que tu joues soit gros méchant loup ou gentil loup. Gentil méchant loup. Des fois, tu joues le méchant loup pour juste faire régner la justice, même si tu veux pas. Fait que tu joues sur ces aspects-là dans les décisions, puis sont. Chaque événement te donne ces palettes-là de choix. Ouais. Ce qui n'arrive pas tout le temps dans un jeu de décision. Des fois, tu dis, ah, j'aimerais ça faire telle action, mais il n'y a pas dans un choix. Donc, mais là, c'est là. Puis l'intro de ce jeu-là est merveilleusement bien écrit. En 10 minutes, tu as tout compris. T'es où? Tu fais quoi? T'es qui? Puis qu'est-ce qui s'en vient? En 10 minutes, c'est canné. C'est merveilleusement bien écrit. Wolf Among Us, c'est un gros coup de cœur. Cool. Ben, qu'est-ce toi? J'en avais entendu beaucoup parler, puis... Ah, ben, pas moi. Puis faudrait peut-être, là, que... Mais c'est un jeu que j'ai entendu parler quand le premier épisode est sorti. Ça a comme fait un espèce de boom, genre, sur YouTube, puis tu sais, il y a bien du monde qui jouait. Puis après ça, c'est pas que c'est mort, mais tu sais, au fur et à mesure que les épisodes sortaient, c'était comme, ah, ben, tu sais, c'est bon, mais... Mais Telltale, ils ont une drôle de stratégie pour sortir leur jeu. Il y a beaucoup de temps entre les épisodes. Ouais. Puis ils y avertissent une semaine avant, genre, fait que tu perds facilement le fil de... Quand est-ce que ça s'en vient? Ils perdent leur mood, je trouve, leur hype. Ouais. Non, c'est clair. OK. Fait que toi, mon Gilles? Ben, en fait, mon numéro 2, c'est un numéro 2 ou 3 que t'avais, toi, l'année passée, à ton top. Imagine-toi, je me rappelle même plus. Guacamelee. Ah. En fait, petit jeu gratuit que j'ai mis la main dessus grâce à PS Plus au mois de mai, Cinco de Mayo. On verra ici le lien avec la mexicanité des choses. Et c'est un jeu dans lequel j'ai passé énormément de temps et avec lequel j'ai eu énormément de plaisir. C'est un side-scroller action un petit peu RPG-ish parce que tu joues un luchador qui se fait dérober de sa jolie mama. Et tu dois tuer des squelettes pour la regagner. Et à travers tout ça, tu te promènes dans plusieurs environnements qui sont hyper colorés, hyper charmants. On dit pas couleurés? c'est genre le QLF. C'est pas couleuré? Ben, il y a la différence entre color puis color, tu sais, là, en anglais, ouais, en Angleterre. C'est ça, comme honor ou honor, tu sais, c'est... En tout cas, bref. Fait que. Il y a beaucoup de Camille, hein? Ouais, non, mais c'est. Tu m'en as tellement parlé, tu me l'as très bien vendu, puis bon, il vient gratuit. Fait que pourquoi ne pas downloader ça puis l'essayer, tu sais? D'une poche, toi. Quasiment, mais je suis devenu vite accro parce que c'est le fun, c'est super charmant, c'est le fun. T'as tout le temps envie d'en faire plus. Tu débordes tout le temps tes nouvelles habilités à un rythme relativement vite. Et puis. C'est le fun de juste basher tout ce qui bouge, devenir meilleur, acheter d'autres habilités. La petite musique est vraiment charmante. L'histoire est vraiment bonne. L'écriture est bonne aussi. Vraiment, là, il est plus en spécial là, mais un petit 15$ vraiment bien investi. Oh, puis il tombe en spécial assez souvent. Je veux dire, je suis sûr que genre, pendant le temps des fêtes, tu peux le pogner à comme 5-10$. Puis les niveaux sont truffés de références à d'autres jeux vidéo. C'est ce qui rend l'expérience vraiment le fun de juste des fois s'arrêter, de tuer tout ce qui bouge, puis de regarder. Puis ah, il y a un petit Megaman d'un brique là, ou bien une référence à Portal ici. C'est vraiment un petit bijou. Essayez ça. Ça va à peine. Ouais, vraiment. Toi! Moi ça. Toi! Moi ça. Mon numéro 2, ça va être Monster Hunter 4 sur 3DS. le genre de jeu que personne va jouer. Ouais, je pense que le monde peut aller faire leur pause pipi maintenant. Ouais, pendant c'est, le temps, c'est comme le jeu obscur de la soirée. Ouais, mais non, c'est ça. Pour ceux qui ont déjà joué à des Monster Hunter, c'est le genre de jeu où tu grindes énormément. Mais c'est ça, tu choisis ta classe. Dépendant de ta classe, tu auras des armes, donc des combos différents. Puis le but, c'est littéralement de prendre une mission pour aller tuer un monstre, le tuer, le looter, si on peut dire. Puis le piller. Tu vois, on l'a dit, c'est bon, on s'enlève un X. On pille ses parties. Son bat. Ses bijoux. Ses bijoux. Exactement. On pille ses bijoux. D'une grande famille. D'une grande famille. Donc, on pille. C'est comme piner le tissu dans cela, tu sais. Je sais pas quoi dire. J'enlève les mots de la bouche. Donc, tu sais, pour dire. Après avoir justement... On a pas de grivoise à Noël cette année. Non, mais écoute, ça va finir assez fort. Mais honnêtement, ça, après avoir pillé les monstres, on prend les dans le fond les parts qu'ils vont nous donner, puis on fait des armures, des armes avec, puis après ça, on devient plus fort pour aller battre des plus gros monstres, puis ainsi de suite. Vite de même, ça a l'air super plate. Ouais. Honnêtement, il n'y a aucun moyen d'expliquer Monster Hunter pour que ça ait l'air le fun. Monster Hunter. On est à peine à mi-chemin dans l'émission, ça va bien. Tout va bien. Non, mais c'est moi, j'en ai un autre, on est tous à 5 ans. Attends, je vais quand même finir mon numéro 2, Carlis. On va essayer de faire ça. Fait que. Monster Hunter. C'est hashtag Monster Hunter, ça s'en va live là. Carlis. Fait que ouais, t'achètes des armures, tu vas battre des gros monstres. Il n'y a pas de moyen de faire. Pareil de Monster Hunter comme étant genre un jeu fun. Faut que tu y joues pour vraiment apprécier le jeu. C'est un jeu qui a vraiment été une série qui a été extrêmement populaire genre dans le temps du PS2 puis tout ça. C'est comme un peu mort parce que les jeux sortaient pas nécessairement tout de suite. Puis à un moment donné, ben là, ça a comme reparti avec Monster Hunter 3 puis ouais, c'était Monster Hunter 3 qui était sur Wii U puis 3DS. Ça a comme pogné. Puis là, Monster Hunter 4 sorti sur 3DS puis c'était comme ouh, la grosse affaire. Mais c'est un super bon jeu, ça vaut la peine, sauf que ceux, mettons, qui ont une 3DS et qui veulent jouer, là, je conseille fortement d'avoir une new 3DS ou genre l'espèce de stick bizarre là, que tu peux acheter séparément. Là. On continuera pas dans les jokes grivoises. Oh. On a tout compris. Je m'arrêtais à en faire une juste là. Le petit stick IBM. Là, ouais, le stick IBM. Il y a encore des laptops de Lenovo qui ont ça dans le milieu. Ouais. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, ça... Tu sais, le petit knob rouge, là, il est... Tu vas avoir du plaisir en utilisant ton ordinateur. Toujours jouer après le knob. On a Christian ici qui regarde son laptop pour savoir si la petite boule rouge... Oh! Petite boule rouge! On est entouré de petites boules rouges. En tout cas, moi, je jouerai pas après ta petite boule rouge. On jase, là, mais... C'est drôle, moi non plus. Je jouerais pas dessus, elle fait mal, c'est assez quand même. T'as j'ai débouché une bière! Non, excuse, Gilles, t'avais-tu fini? Non, mais le problème, c'est qu'il est temps. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Deuxièmement, oui, j'ai fini mon numéro 2. Ça pour dire, si vous aimez les jeux où tu grind, jouez à Monster Hunter 4 sur 3DS, c'est le fun. Phrasing, man, grind! Mais... Il n'y a pas de terme français pour grind, là, je veux dire. Je suis sûr que aucun élève a pensé à ça. C'est pas un déchiqueteur? Si tu veux déchiqueter ton chemin à travers un jeu vidéo, tu dois passer énormément de temps à faire les mêmes actions. Ouais, mais c'est pas... Hey, toi, t'es prêt pour aller à Radio-Canada aussi? God. Vous savez quoi? Non. Ils ne sont pas prêts pour mon niveau de langage, tabarnak. Ici, première, là, on va le voir la semaine prochaine. Non, mais je dis pas si jamais les gars de la soirée T'es encore jeune veulent nous inviter puis qu'on puisse, t'sais, dire des niaiseries à leur émission parce que les autres, ici, ils boivent la bière en même temps, là. C'est vrai. Pourquoi pas? L'invitation est donc lancée. Jean-Philippe Vautier, Fred Savard, Olivier Niquette, puis l'autre, là, si ça vous tente à un moment donné de parler de niaiserie. On vous colle de même, d'un coup, vous nous écouteriez. T'sais. Ouais. Va falloir que je le tweet. Moi, le tweet est live. qu'est-ce qu'on boit? Moi, j'ai débouché de façon peu subtile pendant le monologue de Gaétan. Pas grave. Une bière de la microbrasserie Castor qui fait du bon stock. C'est notre deuxième bière de Castor. Oui, c'est vrai. Et là, on va dans le Wee Heavy Bourbon, qui est une bière vieillie en fût de Bourbon, qui va avec le reste du nom, qui est une... on va verser. Une bière à 11% de volume par... densité, comment on dit ça? Densité par volume? Densité par... Ouais, une affaire, là. Fait que c'est ça, mais Castor, qui est une de nos bonnes brasseries du Québec. Effectivement. On peut se le dire, c'est... moi, je suis assez fan de Castor. Tu sais, quand j'ai besoin d'une bonne bière, que je sais que ça va être safe... Quand t'as besoin d'une bonne bière qui a du caractère, tu vas dire... Ah, écoute... toutes ces affaires-là. En même temps? Ouais, c'est bien foncé, que... cette bière-là. Oh, ouais, mais elle est heavy, hein? Ah ouais. Fait que c'est ça, fait que saveur de bourbon. Ouais. Ça sent le... Ah, man, ça là, c'est comme du petit dessert liquide, là. C'est comme un mélange de fort pis de vin rouge, un peu, genre. Ah, plus à moi, wow. Oh, shit, demain. Tabarnak! Eh hey boy! Ça, dans le fond, on dit... On l'a dit, mais je l'ai pas entendu, le pourcentage, là, de 11 volume. 11% de densité par volume de soulage. Mais celle-là, je pense qu'elle va bien fitter avec le gaz rouge. Mais ça vraiment, clair. Là, quand on a parlé de bière de Noël... puis que je l'ai vu sur la tablette, je me suis rappelé que c'est le genre de bière que tu bois à Noël. Oh oui. Ça goûte le sucré, ça goûte le l'épicé, ça goûte le vieux mononcle. Bon, ben les gars, cheers encore. Santé. Cheers. Je sais pas combien ce qu'il en reste, là, mais on va passer à travers. Yup. Ouais, ça sent bon. Oh, wow. Ah ouais. Ouais. Le fût de bourbon, il est vraiment présent à travers la bière. Ouais. C'est presque liquoreux, bien velouté. C'est du petit jus. C'est du petit jus qui enrobe très bien toutes les parois buccales de votre appareil. Oh, on se lance Jésus dans le gâteau aux fruits, là. On n'a même pas hésité. Pas le temps de niaiser. OK, on va essayer ça tout de suite. Fait que, il va y avoir une pause encore. On va juste, tu sais, on s'entend, là. Là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de houla. Non. Toujours pas mort. T'en veux? Ben oui. Non, mais genre que tu sais. On veut quand même prouver qu'on a du gâteau aux fruits dans la gueule. Fait que, on a un peu pas le choix. Ah, oh, il y a quelque chose. Qu'on apporte mon goûteur! Non, il y a quelque chose. Ah, quand même. C'est pas le mélange Weizenbach de l'année passée. J'irais pas à ce niveau-là, mais... Non, mais c'est comparable. On peut dire que c'est dans le top 3 des... Trop mais 3. Ça va bien ensemble, c'est agréable. Oh oui! Ça fait goûter un autre pan de la bière. Comme ouais. Ça retranche le côté sucré. Ça va chercher le côté plus bourbon, plus... Ouais, non, d'accord. Ça va chercher de quoi. C'est bon, on aime ça. C'est... Franchement, le petit gâteau aux fruits, puis avec la Wii Heavy bourbon. Ah oh, ouais. Ça, c'est hashtag Brassin des fêtes 2015. Yes, que personne n'utilise d'ailleurs. Ouais, on n'a pas le temps de... C'est un feu roulant de... D'ailleurs, ça. Fait que là, on va continuer pendant que Monsieur tweet, parce que ça a l'air qu'il peut pas faire deux choses en même temps. Non, mais c'est pas à mon tour de dire mon numéro 1. Mais est-ce qu'on est rendu au numéro 1 ou on est rendu à des mentions spéciales et où déception, échec? Ah, on fait ça. On pourra faire quelques mentions spéciales. Donc, OK, vite de même, là. Un petit top 3 des bières que vous avez le plus appréciées en 2015 et les jeux vidéo que vous avez le plus appréciés en 2015, mais qui n'ont pas fait partie de votre top 3. Hey boy. Vite de même, là. Éclair, go! Éclair! Hey, mes bières, je sais même pas les noms de bières. J'ai peut-être pris de sorte de bières. Ah, ben, t'as peu, moi j'en ai. On parlait de IPA tantôt, ouais. Pendant l'été. C'est tout le temps comme la quête ultime. Quelle IPA je vais trouver cet été pour accompagner celle-ci de façon agréable? Cette année, j'ai bu beaucoup de double IPA de Farnham, la 128. Ah, ouais! Qui est 128. Parce que Farnham, les numéros, c'est tout le temps le IBU. Ouais. C'est ça. Puis là, c'est 128. Puis c'est agréable malgré tout. Ouais. C'est sûr que si tu t'enclenches 12, ça se peut que t'aies mal à la tête un peu. Mais ça se peut. Comme toute bière. C'est... Comme moi, ouais. Comme, ouais, mais mettons 12, c'est plus que la Budweiser. C'est moins pire que 12, 128. Ouais, peut-être. Mais bref, c'est une excellente IPA si vous aimez vraiment ça, amère au fond. Lancez-vous là-dessus. Sinon, j'ai beaucoup adoré lors de l'enregistrement de mon dernier barrique, la Cœur Noir. Ouais. Bose. Qui était une double IPA, double Black IPA. Non, c'est juste une Black IPA. Black IPA, ouais. Que je suis pas fan absolument des Black IPA, mais celle-là... Elle avait vraiment un petit quelque chose. Elle a un petit goût de velours. Yes. Elle avait un goût d'amour, j'ai adoré. Et mon coup de cœur de cette année, vraiment, c'est la McCracken Flower en fût de bourbon. Ouais, qui est celle qu'on a pris dans notre dernier épisode. Et voilà. Semble. Ça, c'est du bonbon. J'ai fait goûter ça à plein de monde. Ils ont tous haï ça pour mourir. Les haïs, ils savent pas qu'est-ce qu'ils boivent. C'est merveilleux. C'est une excellente bière. Et puis autres. Genre, fuck avec Rockin Flower puis donne-moi une Bud Light. Ben, c'est ce que j'avais vu leur pitcher en arrière de la tête. Non, mais la bouteille est quand même très costaude. Hein. Si jamais tu vas balancer en arrière de la tête, il y a des belles bonnes chances qui te reparlent plus jamais. Va m'assurer que ça y vide. Parfait, ça. Ah, même vide, je te dirais qu'elle n'a pas l'air d'être genre de bouteille à vouloir casser sa crâne. C'est le crâne qui casse avant la bouteille. Hey boy! Tant mieux parce que t'abîmes pas une belle bouteille de bière à main. La bouteille est bien trop belle, la stick. Tabarnouche! Bon, qu'est-ce que vous avez bu de bon cette année? Ben écoute, moi j'en ai écrit plusieurs, puis une bière d'Archibald qui redevient disponible pas mal juste dans le temps de l'hiver, c'est la Valkyrie. Une bonne bock à 7%. Elle est bonne. C'est comme une... je veux pas dire c'est comme une IPA, mais c'est un peu comme une IPA, beaucoup moins houblonnée, mais avec un petit côté, je veux pas dire sucré ni cannelé, mais ce genre de d'arômes-là qui sont mélangés à la bière. Bref, à 7%, elle peut faire bien mal si tu le sais pas, parce que c'est facile de pas s'en rendre compte quand elle boit, elle rentre vraiment tout seul, elle est savoureuse, elle est bonne, moi j'en prendrais là, ben on n'en a pas là, mais c'est parce que nos autres bières ici sont bien bonnes. Mais la Valkyrie d'Archibald, un excellent choix. J'ai redécouvert la Myrick Beaumier de Brasserie Naufrageur, dis-je, qui vient de Gaspé. On en a bu en fût, au trèfle, ici pas loin. En fût, ça prend vraiment toute sa signification, c'est vraiment fucking bon dans la gueule. La Catherine de Castor, que toi, mon cher Gaétan, ouais. Pour conseiller. Hey, vous allez vite, là. Moi je fais mon wishlist dans le tap. Là. Ouais, mais ça, mais là. Mais non, là on a dit éclair, c'est en rafale. Ouais, ça, c'est t'en as beaucoup en maudit. Ouais, ouais, ouais, on va passer à travers. La Porter Baltique de Hickson, les deux frères. Ah ouais. Ouais. Tabarnouche, une maudite bonne. M'ennuie de toi! C'est le genre de brasserie qui est, t'sais, qu'on néglige un peu les deux frères, puis tout ça, parce que les bouteilles sont belles, mais c'est pas ceux qui vont popper le plus. T'sais. Les affaires comme Trou du Diable, puis tout ça, tu vas dans une place qui vend de la bière, t'es comme, ok, je veux eux autres. Ouais, tu penses pas nécessairement aux deux frères, mais ils font des très bons produits. Non, mais d'ailleurs, ils sont supposés nous faire une brasserie, tu sais, une brassée édition spéciale, deux frères, frère cassette, là, c'est supposé une espèce de brassin spécial à notre honneur. Ah ouais? Je vais leur écrire. Le malaise, tu sais. Parce que en plus, l'Ambré de Charles-Henri des deux frères, une autre excellente bière, une de mes préférées cette année, je dois dire. Sinon, dans les quelques petites importations, j'ai des mentions très spéciales. La Saint-Bernardus ABT12, une bière belge, une bonne brune double, là. Écoute, là, liquoreuse, brune dans ta gueule, là, tout ce que tu veux, c'est fucking, fucking bon. Et un champ de cygne à la brasserie Pretty Things, basée, je crois, au Massachusetts, je veux vraiment pas me tromper. Une brasserie artisanale qui avait fait énormément de beaux et bons produits, qui malheureusement va fermer ses portes. Les propriétaires et créateurs ont juste dit qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. C'est triste parce que j'ai eu la chance de goûter à quelques-uns de leurs produits, et dont la Saint Bottle Stone, qui est la meilleure brown ale double que j'ai bu cette année. C'était juste du plaisir buccal à tout point de vue. Toujours plus de plaisir buccal. Hashtag plaisir buccal. Fait que voilà mes bières de 2015. Eh boy, c'était pas facile. Hey, c'était solide. Non, mais c'est parce que je fais des liens comme ça. Ah, ah, ah. Vous voyez, comme là, je viens d'échapper mon crayon. Tout et je te renvoie l'appareil. C'est quoi ton top bière, toi? C'est ça. Fait que pendant que tu ramasses ton crayon, parce que t'es un petit peu trop chaud d'ail, moi... Même pas! Ben non. Fait que moi, ben c'est ça, ben, dans mes meilleures bières, mettons, là, c'est des affaires qui se répètent un peu, là, mais la Cœur Noir, pour sûr, c'est comme une des bières que j'ai le plus trippé. Tu sais, moi, j'aime les Black IPA, mais celle-là, il n'y a pas une amertume que tu retrouves dans d'autres Black IPA. C'est vraiment, c'est velouté, c'est, tu sais, un peu de cacao. Ça coûtait plus la bière noire que la IPA, puis qui est souvent... Je trouve le côté plate des Black IPA, ça goûte comme trop l'amertume, pas une bonne noire, fait que c'est ouais, pas intéressant. C'est ça, tu te perds un peu dans le mélange mais des là, deux. Là, mais là, la noire de base est super bonne. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est clairement une bière digne de mention. Sinon, ben comme tu disais, la Catherine qui est absolument incroyable, qui est une bière du castor. Je pense qu'elle était limitée, je suis pas sûr qu'elle était encore disponible, là. Mais si jamais vous avez la chance de tomber sur une bouteille de Catherine, prenez-la, ça vaut être un peu plus cher que la norme, mais ça vaut amplement le prix. Ben, celle que j'ai pas dit en spécial, la 7,99, fouille-moi pourquoi, mais c'est bon. Excellent. Ça, c'est vraiment une bière de Noël, ça, là. Ouais, ben, je pense que c'est plus une bière d'automne pour eux autres. Ouais. Ça fait quand même, ça fait un petit bout qui est sorti. Là, c'était genre début, il en reste pas gros, je te dirais. Ouais, parce que ça, c'était comme mi-octobre, début novembre qui est sorti. Non, mais j'ai des amis dans la mafia qui pourraient peut-être t'aider si jamais. Ils ont des avions eux autres. Trois. Des mafias rurales. Non, c'est ça. Sûrement des Lafèvres. Hein. C'est peut-être des Lafèvres. Les astis de Lafèvres. Eh, hey, boy, on va pas se ramasser une famille à dos avant 2016. Et bon, on mais disait... Sinon, ben ça, en fait, numéro 3, il n'y a pas de numéro dans mon top, ils sont tous égales. Mais encore, la Dulce Cubus, c'est pas de cette année. Je l'ai déjà bu les années d'avant, mais ça reste comme dans mon top de bière tout le temps. C'est une bière qui goûte le vin blanc, mais pas trop, puis qui garde ses caractéristiques de bière, même si ça a été vieilli en fût de chardonnay. C'est hallucinant. Elle est vraiment chère, la bouteille. Comme je disais tantôt, c'est comme 18$ la bouteille. c'est vraiment pas donné. Mais pour une bière qui sort une fois par année, que c'est comme un peu un événement, ça vaut amplement la peine. Puis je pense que tout le monde devrait en profiter puis en prendre au moins une dans sa vie. Puis mourir après. Mais ça, dans ta bucket list, là, puis t'es en affaire. Mais tu sais, sauter en parachute, faire du bungee popcorn, puis boire du Reese's Cubis. Du bungee popcorn, ça sent rien qu'une fois. Dans l'autre, dans le désordre. Non, c'est tout dépendant. Fait que, ouais, c'est un peu ça. J'essaie de voir les autres bières, mais j'ai tellement bu qu'à un moment donné, tu finis par en perdre, tu sais. Fait que, toi, Michael, je sais que t'étais pas nécessairement toutes les. Ouais, c'est ça, moi, à part. Les noms, mais pareil, tu sais, jamais, il y a des expériences de bière qui t'ont plu. Ben, pendant moi, je te dirais, la Trooper à Glasgow, ça a été. Dans un bar rock, il y avait un band qui jouait là, c'était vraiment cool. Ils jouaient du rock, genre du Van Halen, un truc de même. C'était vraiment cool comme soirée en plus. Nice. Je trouve qu'elle était un peu meilleure, la Trooper, là-bas. Je sais pas parce qu'elle venait de là-bas, j'imagine. Il y a toujours le facteur local qui joue pour mais ça. Elle était en bouteille, elle était pas en fût, par contre. Mais je sais pas, elle coûtait un peu plus de goût, me semble, dans la Trooper. Ça doit être le fuseau horaire qui aide. Ouais, peut-être. Toujours plus de fuseau horaire. Plus que t'es proche de Greenwich, meilleur, tu sais. Hey, là, j'étais dans Greenwich en Australie. Elle met la règle dedans. La bière japonaise doit pas être vivable. Pas tellement, non. Imagine Hawaii. Oh, je vais pas y penser. Sinon, dans ce voyage-là, j'ai pris une bière de microbrasserie là-bas, mais tu sais, genre, on a tellement fait de bars là-bas, je me suis un peu pas pris les noms, là, fait que... Ça me rappelle un certain voyage dans les Europes, moi aussi. Ouais, là, j'ai trop bu! Incroyable! Hey, vole pas son cash-line! On le paye juste pour ça, les deux piastres! Ben, c'est ça, il y avait Glasgow, puis il y avait, c'est quoi les autres villes que t'as fait? J'ai fait Londres, j'ai fait Glasgow, j'ai fait Dublin. Ah ouais, ok, le gros UK trip. Ah ouais, le UK trip all the way, là. Malade. Fait que c'est ça, je pense que le UK trip, en général, c'est pas mal mon expérience de bière de l'année, ça a été fantastique. Parfait, ça. À ça, je lève mon verre, parce que je peux entièrement comprendre ce qui se passe. Ah ben, on a pas le one, d'autre, moi j'ai pas été. Ah, moi non plus, mais... Hey, écoute-joie! Hey, y'a-tu de la bière spéciale, écoute-joie? Pas en tout, faudrait que je me mette là-dessus. Faut que tu startes ça, man. Hey, moi, j'ai débarqué au métro Longueuil cette année. Ah, nice! Ah, c'est fou, man. La faune est complètement différente là-bas. Y'a-tu des palmiers? Pauvre toi! Y'a pas de palmiers, mais y'a ben du robineux, par exemple. Y'a-tu des Longueuils? Ah, de la Longueuil, y'en avait en maudit. Des belles coupes. Ah ouais, écoute, la Longueuil est encore en mode là-bas. Fait que, mettons, Raphaël, mention spéciale de jeux vidéo. Eh boy, moi je sais pas, je vais laisser Michael y aller, c'est ça, parce que moi... Admettons, genre, on va aller avec un Japon 16. Japon 16, qui s'appelle Mushi Ime-sama, qui est un... J'ai même pas envie d'essayer de faire des jeux de mots avec ça. Un shmup, ben ça veut dire, je voulais pas dire mop. C'est japonais, c'est un shmup, hein? Ah ouais, c'est shmup. C'est très japonais, c'est très... Il y a beaucoup de balles aussi. Ils aiment bien ça, les balles, eux autres, dans ce genre de jeu-là. Ouais, les enfers de balles, qui disent. Ouais, là, les rideaux de moins pour les rideaux de balles. Les rideaux de balles, ouais, c'est ça. Le terme, je me suis plus sur les dankamu, je pense, le terme en japonais. Ouais, je pourrais pas dire. Bref, là-dedans, c'est un jeu qui a bien des balles parce que c'est un shmup japonais de Cave, là. Tu sais, Cave, c'est une compagnie, si vous trippez dans les shmups, qui a plein de balles, mais c'est comme la référence. Oh, ouais. Puis en gros, finalement, ils ont finalement sorti leur premier jeu sur PC, c'est Mushi Ime-sama. En gros, tu joues une petite fille, c'est un insecte qui pisse des balles, là. Fait que c'est bien ça, là. La seule affaire qui est ma seule déception de ce jeu-là, c'est que c'est les graphiques HD. En fait, parce que c'est un jeu d'arcade qui a été fait en sprite début 2000. Puis là, en fait, la version HD sur Xbox 360, ils ont comme. Mais il y a un algorithme pour upscaler les sprites, c'est lettre en ostie. C'est comme aussi lettre que le remake de Final 6 sur PC pis sur... Non, c'est... Ça reste esthétiquement beau quand même, tu sais, mais... Oh, ouais. C'est pas genre affreux, c'est comme... t'as pas genre immédiatement le goût de vomir en voyant un screenshot, t'sais. Non, c'est ça, t'as pas le goût genre de comme aller de prendre un billet d'avion, aller à Square Enix Japan pis brûler la bâtisse. Ah, c'est ça, ok, c'est bon. T'as pas ce sentiment-là. Fait Fair que moi, enough. Ouais, on voudrait juste mettre un petit disclosure ici, là, qu'on n'a pas donné l'idée de faire ça. Non, là, non, pas... non, c'est des images, là. Non, ouais, on n'est pas à TV, là. C'est ça. Hey, les crèmes, c'est pas pour rien qu'on a des pseudonymes, si c'est pour rien pouvoir dire des niaiseries. Ben, d'autres, on boy, ça allait loin, ta phrase, hein? Ben, d'autres, on n'a pas. Disait plein de choses. Elle était pas prête. Elle était pas née encore. D'autres, on n'a pas de pseudonyme, on fait quoi? Vous êtes des invités spéciaux, c'est correct. Ah, non, c'est okay, ça. Okay. Vous êtes sous couvert de l'anonymat. Mettons que tu vas au Timé Show, là. Ouais. Ben, tu vas pas interpréter le rôle. Tu vas y aller en tant que toi-même. Mais Timé, lui, c'est pas. Il existe pas, Timé. Quoi? C'est pas cancellé, ça? Ça aurait peut-être dû. Mais il me semble qu'aller au Timécho, je me ferais blurrer à la face, genre, je sais pas. Il me semble que. Il me semble que je serais pas content d'y aller, genre. Ça, c'est ton choix. Moi, je serais bien content. Hashtag Hashtag avec mes taxes. C'est ça. Hashtag Radio X. Mes taxes, mes impôts, Metallica. Ah, c'était ce t-shirt-là, il était cœur. Hein? Ah, ah, vraiment, la meilleure affaire. Bon, on va saluer. Reste aussi beau que tous les t-shirts qu'on a vu à Roliette. Ah, c'est si, man. 12 pouces, 5 dollars. Avec la flèche en bas. Ouais. Ça, ça fait référence à l'épisode des Power Chasers qu'on était ben au oui, Toit Bleu. Oui, parce que ça, vous faites quand même partie des Power Chasers. Ouais. On peut en parler un peu, tu sais. Ouais. C'est genre ben, c'est de petits... c'est un petit bonbon, je trouve, ça, ces vidéos-là. Tu sais, ah, t'écoutes ça, c'est toujours de quoi de funny à écouter. Surtout qu'à Joliette, c'était assez épique, surtout les parties marché aux puces. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est avec... Ouais, mettons moi, là. C'est, ouais. Pas, c'est avec le grand Manitou qui était Terminaslot ou ouais. Terminarcade. Là, le monde ne sait plus trop qu'est-ce qu'il y a. Un des deux. C'est Terminarcade Power Chaser, qui est Terminaslot et ses amis, qui font du Power Chasing, qui est en gros chasser des jeux vidéo rétro majoritairement. Souvent le plus possible dans des endroits louches comme des marchés aux puces ou des petites boutiques pas trop cernables. Ah, les villages des valeurs de ce monde. Ce genre de choses-là ou encore plus louches. Donc, on va beaucoup dans les marchés aux puces. J'en connais un papier sur Beaubien. Ah? J'en connais un papier à Saint-Zotique. Oh, ça me parle. Quoi, là? Ça me parle. La place? La ville Saint-Zotique. La ville Saint-Zotique. Ben, dans le bout de Valleyfield. Ouais, ouais, tu sais, quand tu mets ton char sur le nœud puis tu fais juste comme rien faire puis t'arrives là maintenant. Non, c'est ça. On va prendre ça en note. Moi, je te dis, en tout cas, je sais pas s'il existe encore, mais il a déjà existé puis il y avait bien des belles affaires. Là. Donc, des fois, tu trouves des vieux jeux. Des fois, tu trouves rien, mais des affaires extrêmement louches qui font autant notre bonheur que trouver un. Mais je pense que les meilleurs bouts, c'est plus quand vous trouvez des affaires louches que quand vous trouvez des jeux que vous voulez. Ça dépend. Il y a vraiment, je pense qu'on a les deux publics. Il y a des gens qui aiment beaucoup les affaires louches, pas de jeux, puis des gens qui aiment juste les jeux. Fait qu'on essaie de... Les jeux, pas de louches. Pas de louche, c'est ça. Le louche, j'aime pas ça, mais moi, j'avoue que j'aime bien le louche. Ben, le louche, c'est intéressant. Je trouve que... Hashtag fan de louche. Dans un épisode, t'étais là, tu filmais, puis c'était comme... Le louche, c'est comme... rossé, je trouve, depuis. Là, c'est comme il y en avait plus. Moi, je suis pas là pour les jeux, dans le fond. Ah non, mais c'est pour ça qu'on t'engage aussi. Ah non, mais on mentionne-tu comme... La veste. Ah, la veste. Ouais, si vous voulez voir le dernier épisode qui est en quatre parties, Zef, qui est un des Power Chasers, ouais. Trouve une veste incroyable qui est tapissée de femmes tout nues de Playboy. C'est... Mais vintage, un peu comme... Ah, c'était beau. 80. Donc, il y a à peu près une centaine de femmes tout nues sur la veste que tu peux porter. Non, c'était un moment d'anthologie. J'essaie de penser à quelle sorte de party de bureau je pourrais porter ça, ouais. Je sais pas. J'essaie de voir qui a acheté ça à la base, qui l'a porté avant de le revendre. C'est peut-être pas volontaire. Puis aussi la personne de marché aux puces qui a fait « Ah oui, mais tu vas revendre ça facile, cette belle veste-là. Ah, » Comment le sexe savant, on le sait tout. M'a donné 5$ pour. Le pire, c'était-tu dans le marché aux puces qu'il y avait plein de petits vieux aussi? Il y a tout le temps des petits vieux. Marché aux puces puis petits vieux, ça va ensemble. Oui. Parce que il y en a un qui était vraiment intense. Il avait comme une concentration assez élevée de petits vieux. C'était dans la deuxième section. Fait que ouais, c'était où il y avait le plus de petits vieux louches. Ah, man, c'était Bref, c'était très, très plaisant. Puis je sais pas pourquoi qu'on parlait de ça. Bon, on voulait savoir c'est quoi les Power Chasers. Là. Ouais, mais ouais, c'est sûr. Mais sinon, on parlait des mentions, de bières et tout ça. Oui, des mentions. Mais là, de savoir, est-ce qu'on dit nos flops aussi? Oui, ah, oui. Moi j'ai déception ici. Là. Moi, c'est tout écrit sur ma petite feuille. On snap ça dans cette boutte-là. Ben, moi j'ai un concept. Fait que vous pouvez y aller comme vous voulez. OK. Okay. Toujours. Ben, moi j'ai pas de concept. Je vais y aller avec mes flops. C'est deux flops. Un qui est. Là, je me suis reparti à un marathon de Final Fantasy depuis un petit bout. Je recommence depuis le 1. Là, j'ai finalement fini le 3. Qui fut une corvée assez pénible. Le 3, le vrai 3. Là. Le 3 US qui est le 6, que personne ne comprend. Non. Le 3 Japon 16. Le 3 Japon 16, qui n'a jamais sorti ici, à part sur le remake DS, ouais. 3D, qui est lettre, qui est plate, puis qui est... Bref, ça a été un peu pénible, j'étais un peu déçu. Il y a un système de job là-dedans, c'était bien révolutionnaire dans le temps, mais... C'est un jeu qui a mal vieilli. Pas qui a mal vieilli, mais qui était pas bien construit, qui avait des bonnes idées, mais qui était pas bien construit. Ben, je pense que c'était pas bien construit, mais tu sais, dans le temps, ça pouvait peut-être plus passer, parce que justement, c'était des mécaniques qui étaient peut-être un peu plus intéressantes par rapport à la compétition, mais à Star, c'est comme. Mais le système de job, il est brisé. Le système de job, qu'est-ce qui est le fun, c'est de pouvoir, un, changer de job souvent, puis deux, garder tes anciennes jobs pour faire des mix. Garder les habiletés anciennes jobs. Ce qui est deux choses qui n'arrivent pas dans le 3 parce que tu gardes pas tes anciennes jobs, puis plus que tu as ta job longtemps, plus qu'elle est forte d'eux. Ouais. Fait que tu n'as pas intérêt à changer de job. Puis la job est jamais prérequis à une autre job. Non, c'est. Fait que t'as aucun intérêt à jouer avec tes jobs. Puis en plus, quand tu changes de job. Steve Jobs, il arrive, puis il te dit toi, pendant 9 combats, tu n'utilises plus tes skills de, qui viennent de ta job. Fait que change pas de job le moins possible. Fait que c'est finalement, ça. C'est une grosse déception. Je me rappelle avoir acheté Final 3 sur DS quand il est sorti. Il est pas très beau. Puis en plus. J'ai joué 2 heures avec, puis je me suis tanné. Je me suis littéralement tanné. J'étais comme ok, fuck it, puis j'allais le revendre genre 2 semaines après. Genre. C'est toi que je l'ai racheté. 3 heures, c'est qu'il y avait un facteur nostalgie, ça veut dire. Ben, on dirait, parce que moi, j'ai... Non. Ça se peut, mais tu sais, peut-être aussi, tu sais, j'ai... Surtout que dans le temps, j'étais pas le plus grand fan de RPG, mais tu sais, j'en avais quand même joué une coupe, mais c'était pas... Je sais pas, j'ai vraiment pas embarqué, tu sais. J'avais ça, puis justement, j'avais un jeu comme Chrono Trigger à côté sur DS, puis je suis comme... Parce ok, si tu donnes un choix entre les deux, fuck it, là. Ben, c'est ça, tu sais, le 2, c'était le premier qui avait vraiment eu comme une histoire un peu plus développée. Puis là, le 3, ils ont comme fait fuck that shit. Ouais, parce que le 1 puis le 2, je les adore. Le 2, ouais. Je trouve que c'est un. Qui est sous-estimé, il est haï beaucoup. Le monde haïsse le système de combat, je comprends pas pourquoi, parce qu'il est pas si mal balancé que ça. Moi, je l'ai fait avec une progression relativement correcte, puis ouais. T'arrives bon level pour ce que t'as besoin, puis. Ouais. Ça pour dire que ma deuxième déception de l'année, c'est ma Wii U. Vous conter une petite histoire. Vas-y fort. Moi, sur un coup de tête, à mon dernier voyage en octobre, je disais, hey, nous autres, on sait jamais à quoi je jouais à coup de joie qu'en gang. Ah oui, puis c'était pas comme suivant ton passage dans notre shed. Genre, ouais. En tout cas. Avant que tu repartes, là. Genre, puis je me disais, hey, je vais m'acheter une Wii U, même si je passe mes journées à blaster à Wii U, tu sais, puis Nintendo. Je vais acheter ça, on va se faire du fun dans la gang, puis tout. Fait que j'achète une Wii U avec Mario Maker. Là, je passe quasiment une nuit blanche à tout downloader Mario Maker, puis les cossins, ouais. Parce que juste là-bas, je vais pas gaspiller ma bande passante et tout, puis tout. Le lendemain matin, il faut que je. Pack mes bagages parce qu'il faut que je parte, puis là je pack ma PS4 parce que je l'avais descendu, ma PS3 parce que je l'avais descendu, pack la Wii U, là ça rentre pas. Non. Fait que là, pack d'une autre façon, ben, ça rentre pas non plus. Fait que là, je regarde ma PS3 puis ma Wii U, puis là faut que je choisisse laquelle je redescends. Mystère. La Wii U est dans le garde-robe chez mes parents, je veux. Ben, c'est pas tant de déception, c'est juste comme tu ben, c'est dans la catégorie ouais. Flop de l'année, fait que c'est mon flop. C'est ton flop. C'est mon flop, c'est ça. C'est un simple problème de logistique. Là. Ouais, parce qu'il a fait que je mette une des deux consoles avec de la bière, plus ouais, non, la bière, c'est bien plus important qu'une Wii U, moi, te dire. C'est ce qui est arrivé. Donc ça, c'était pour les flops, et pour... est-ce que je lance mes mentions spéciales? Hearthstone, j'ai eu un trip de Hearthstone out of nowhere. Nice. J'aimais ça, je me suis fait planter, j'ai pu rejouer. J'ai eu un gros trip sale de Ultra Street Fighter 4. Que ça et tout. J'allais dire classique, mais ça n'en est pas un. Mais là, j'ai joué à coup de jouac avec, j'ai réussi, j'étais super heureux, mais j'avais à peu près un input lag d'une seconde, fait que c'est injouable. Mais j'ai battu du monde quand même, mais c'est pas parce que je suis bon, c'est juste parce que j'ai maîtrisé le input lag. Et aussi, une mention spéciale, ça, LaRouche, je vais être content, à Escatos. Oh yeah! Qui est probablement la meilleure soundtrack de 2015. Je l'ai écouté d'ailleurs aujourd'hui encore. Qui est pas un jeu de 2015, mais qui ont ressorti, c'est un shmup sur Steam qui ont ressorti. C'est un jeu obscur de Xbox que j'ai jamais sorti ici, outre au Japon. Puis, ben, c'est ça. C'est ça qui est pas sorti ici, dans le fond. Ouais, c'est bref, la musique était 40, c'est ouais. Super le fun. Puis, le jeu, il est en esti, par contre. On peut pas le cacher, là. Il est en crise. Il est en crise, le jeu. Mais il sonne bien. Fait que c'est ça, c'est bon, mes mentions et flops de l'année 2015. Tiens, toi, Mickaël. Mes mentions, ben. C'était comme mentions, si c'était d'autres choses. Ben, j'ai déjà parlé de Mushimi Sama. Je pourrais dire Chatos aussi, là. C'est pas vrai, là. La soundtrack, je l'écoute au moins genre à job, là, moins une fois aux deux jours. Là. T'sais, vraiment, là, je m'amène une petite playlist, je mets comme Silver Lining, Massive Attack, puis Survive en ligne. Je pense que Massive Attack m'a mon coup de cœur. Hein. Fait que, tu sais, j'écoute ça, puis je suis bien heureux après. Là. Fait que c'est vraiment un chatos. En gros, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est un chemin de la 360, mais tu sais, la 360 au Japon, ça n'a pas t'enlevé. Puis étrangement, tous les chemins sont sortis. Il y a plein de chemins au 360 qui sont sortis exclusivement au Japon. C'est vraiment vraiment bizarre. Ils sont en train de faire la même chose avec la Xbox One. Et donc, il y a comme, je pense, c'est de Darius ou. Je pense à un nouveau Darius sorti juste sur Xbox One et trucs. Non, mais tu sais, ça n'a pas rapport. Hein. Je pense qu'ils savent que c'est niche, fait qu'ils disent on va prendre la console niche, si on l'a. Je sais pas. C'est ça. Ben, c'est pas les petits développeurs qui ont une meilleure exposition, en fait, avec les jeux qui peuvent produire. Comme quoi là, Microsoft et Xbox, ils ont ouvert les portes à tous les petits développeurs. Ça sort juste au Japon. Qui a une Xbox One et une Xbox 360 au Japon? Excellente question. On a un Japonais avec nous. C'est... On s'excuse pour cette joke de mauvais goût. C'est incroyable. Hein? Non, serais-tu prêt pour spoulucher notre avant les mentions? Là, de toute façon, je sais même pas combien de mentions j'ai, moi. Fait que... Ouais, j'en ai... Oh shit! Ces concepts, c'est comme 2,5 chaque bord. Okay, fait que je vais, pour un total de... Gars, il va spoulucher, puis... Ok. Tu mentionneras après. Attention. Eh hey boy! Attention à ta surface, toi-là. Là. C'est pas fait pour ça. Ouais, j'ai oublié de m'acheter une autre... Si, un débouche 3 bien. Oh! C'était jouissif. C'est effectivement un débouche 3 bières, chaleur de 3 bières qui enregistre en même temps que nous. Ça a l'air. C'est ce qu'on nous a dit. On les salue. Oui. C'est pas de la compétition à soir. Je viens de déboucher une Dominus Vobiscum Hibernus. C'est toi qui apportais ça, là. C'est moi qui apportais ça. Moi, habituellement, mes deux bières de Noël que je m'achète, c'est une Weizenbock puis une Hibernus. C'est comme mon rituel de Noël. Fair enough. Je sais pas pourquoi l'Hibernus, c'est... Parce que ça goûte bon dans la gueule. Parce que c'est comme hiver en latin. Mettons. J'en perds mon latin. Chris, on est éducaté à ce show-là. Ah, écoute, nous autres, là, le Béchel, il est pas loin, hein. Ça a rien, mais il a fait l'université, ce gars-là. Oh, sac. Ich spreche Deutsch ein kleiner. Aber ich möchte gern Bier trinken, ja. Jean. Mon chat s'appelle Mitten. La laine de mon chat, ça le mangeait un chat. J'ai pété mes figurines de Star Wars. Voulez-vous être ma maman? Le docteur, il dit que je n'aurais plus du nez si j'arrêtais de me mettre les doigts dedans. Ce moment vous est présenté par les Simpsons. J'allais dire VTL, mais je préfère les Simpsons. Hein? Ouais, c'est vrai, ça va dire VTL. Pas mal les seuls. En fait, Télé-Tour, on a le contrat pour les dernières saisons. V, encore les vieilles cassettes du temps. Ouais, c'est les meilleures saisons. C'est pas mal les meilleures saisons. On a perdu un verre à verser dedans. Ah, ben. Il doit être proche. Il doit être... C'est... On a quelqu'un qui va prendre sa place. Attention, c'est de la 8% ça là, que tu viens de caler en... Allez, go, beau! Eh hey boy! Quand t'auras pelleté le pied de brou dans ton box, là, tu nous diras qu'est-ce que t'en penses à ce bière-là. Qui est une bière à 10% de densité d'alcool de trou dans le pêteux. Qui est de densité d'alcool de trou dans le pêteux. Donc, hashtag densité d'alcool de trou dans le pêteux. À travers la lumière mauve qui est derrière mon boc de bière, je la vois quand même assez opaque. Genre? Ouais, genre, mais je dirais quasiment un 98%. Il y a un côté ambré rougeoyant. Oui. Clairement de Noël, là. Ben, peut-être clairement mauve en backlight, mais... Mais pas, elle sent pas Noël, en tout cas. Non. Ça sent pas la canne de bonbon, là. Mais elle goûte, par exemple. C'est pas pire, ça, Kim. C'est bien épicé. Ouais. Ouais. Facteur épice. Mais je dis pas épicé, ouais, comme sriracha, là. Épice, ouais. C'est comme, tu sais, là, de la cannelle, du girofle, c'est pas, gingembre. Pas du fort, là. Mais non, ben bonne. Ouais, je l'aime bien, je pense que je vais essayer de slacker un petit peu. Conseil, faites-la pas vieillir, elle est pas bonne vieille. Ah, ok. J'ai essayé, puis elle fait juste plus brouter. Fait que celle que t'as laissée de côté avec ta Wii U, là, laisse-la là. Celle, je vais la donner au mendiant. Des plans pour qu'il se ramasse en train de manger des farces. Il va être assuré par la SAQ, pas la Miami. SAQ. Allez, non, c'est ça. Fait que toi, je te dirais de faire tes mentions parce que moi, je cherchais encore. Fait que ça se peut que je n'aime même pas. Ah, ben, c'est bien correct. Bon, écoutez, moi, je vais faire un genre de mea culpa. Hein? Oh, ça, on aime ça. J'ai eu une très grosse année cette année. Qui dit grosse année, il dit pas beaucoup de temps à faire d'autres affaires. Bref, je suis devenu papa. Oh, hein? C'est félicitations. T'as essayé d'avoir les enfants aussi. C'était pas mon idée. Mais. Oh! Oh! Non, non. Attention tout le monde! Nous avons des pseudonymes, nous disons des jokes, ça veut pas dire que c'est vrai! J'aime beaucoup mon enfant, ma femme, ma famille, c'est vraiment. Je leur souhaite en tout cas. Je suis choyé d'avoir ça, puis c'est comme un autre genre de jeu, tu sais, auquel toutes les actions te donnent du XP, puis t'as vraiment des choix à faire. C'est pas comme du point and click. C'est un monde ouvert quand même. Man, c'est open RPG life, je vais dire shmup, même si je sais même pas c'est quoi. Mais bref, je trouve pas assez de temps pour jouer à des jeux vidéo. Fait qu'il y a bien des jeux auxquels que j'ai comme le temps de jouer, mettons, 3 jours. Puis il faut que je donne la claque. Fait que les voici. Mad Max. Pas joué beaucoup, mais ça promet. Si vous avez joué à Shadow of Mordor, c'est vraiment la même Christy fuck d'affaires. C'est juste que c'est dans... Christy fuck d'affaires, hashtag. Sauf que au lieu que ça soit dans le Mordor, ben c'est dans le désert. Puis au lieu que ça soit des orques, ben c'est du monde habillé en cuir, en métal. Puis au lieu que t'ailles une épée, ben t'as un 12 puis t'es point. Puis au lieu d'avoir un cheval, ben t'as un char. Ouais, c'est que... Et finalement, c'est pareil, c'est la même astuce d'affaires. C'est la même... Quel jeu n'est pas... Bref, non, j'ai aimé ça, la mécanique a l'air le fun, ça a l'air d'être bien intéressant, la map est quand même assez immense, fait que tu sais, il y a bien des affaires à faire, on m'a dit que c'est peut-être un peu répétitif, bref, on va quand même l'essayer pour m'en donner une bonne idée. Mais je pense que c'est ce que le monde disait, anyway, de Shadow of Mordor, ouais, mais c'est quand même bien fait, il est beau, fait que tu sais, on y donne une chance, pas pour la répétition, mais plus pour l'immersion qu'on en ressent. Mad Max m'a donné ça en quelques heures de gameplay. La Uncharted Collection, qui a été dans le fond remasterisé, Uncharted 1, 2, 3 remasterisé pour PlayStation 4, j'ai mis la main là-dessus, j'ai passé Uncharted 1 en quelques heures, vraiment très fucking le fun, j'ai commencé Uncharted 2, il a fallu que je le ramène au club vidéo, c'est de même, qu'est-ce que tu veux. Je l'ai fait cette année pour la première fois, le 2, là, c'est une crise de ride. T'sais, il était dans mon top, il était 5e dans mon top. T'sais, c'est ça l'affaire, c'est 3 excellents jeux de third person action adventure. Ok, c'est linéaire, mais c'est parce que c'est fait pour ça, c'est tellement bien écrit. Les one-liners sont parfaits, le voice acting est parfait, les scènes d'action sont variées, t'es rarement pogné trop longtemps quelque part. Tu le trouves la clé du casse-tête assez rapidement, c'est satisfaisant, les kills sont le fun. Une grosse partie de plaisir. Et attention, voici le pont. Entre mes mentions et mes déceptions. Oh. The Order 1886. Parce que autant que j'ai bien aimé 1886 pour plusieurs raisons, l'histoire est relativement intéressante, les graphiques sont sublimes, certaines mécaniques sont bien le fun, je le mets dans mes déceptions parce que ça aurait fait un esti de bon film à la place d'un jeu vidéo. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu sais, pourquoi est-ce que j'achète une télévision 16-9 pour jouer à des jeux vidéo sur tout l'écran puis que tu me donnes un jeu vidéo avec 2 calices de bande noire en haut puis en bas? Ben, c'est cinématique. Ben, parce que si c'est cinématique, ça aurait dû aller au cinéma. Puis quand tu me mets ça dans un jeu vidéo, ben, ça te bloque ton champ de vision. Fait que le style d'ennemi que tu vois pas en arrière du cover, là, ben, c'est ça, il te tue. C'est ça. Les espèces de lycan, là, les espèces de bébites qu'on est supposé se battre contre, là, ben, gros hype, là, t'es voit 2,5 fois. Pis, ça, c'est un peu nono, ça. C'est un peu nono, puis c'est des quick time event. Hein. Fait que, tu sais, c'est pas un système de combat très, très, très élaboré. Mais moi, je me suis beaucoup attaché à Galahad. C'est-tu lui, le protagoniste, là? Ah, oh, bref. C'est toi qui as joué. C'est pas pour rien qu'il tombe dans la déception. Bref, en quelques heures, tu passes à travers. Il n'y a pas beaucoup de secrets à trouver. Ça donne absolument rien des ramassés. Il n'y a aucun système de leveling. Je pense que c'est un jeu qui était pour prouver un concept, qui est bien réussi pour prouver ce concept-là. Puis on attend avec impatience, en tout cas pour ma part, le prochain jeu de Ready at Dawn qui devrait, j'espère, prendre tout ce qu'ils ont mis dans 1886 puis faire un 1887 qui a bien de l'allure. Dans mes autres déceptions, ben Dragon Age Inquisition, il y en a un ici qui va me juger, là. Quoi? J'ai essayé d'embarquer, je suis pas capable, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, c'est trop compliqué, bref, non, pas pour moi. Puis Destiny, malgré le nombre incalculable d'heures que j'ai mis là-dedans, malgré on t'a jugé beaucoup pour ça, d'ailleurs. Ouais, mais tu sais, c'est le jeu que je me suis dit, ah, on va peut-être l'essayer l'online compétitif, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que, tu sais, je me suis acheté le jeu usagé, j'ai pas payé plein prix. J'ai quand même payé 50$ pour avoir le PS Plus à l'année, pour avoir accès au Crucible. Ouais, mais t'as un guacamole avec ça. Ben, ouais. Merci, puis c'est ça l'affaire, c'est quand même un couteau à double tranchant, deux envers de médaille, ou ben, tu sais, un flocon qui a 6 côtés, là. Bref, toujours, c'est ce qu'on dit. Il est beau, c'est le fun, c'est snappy, mais il faut que je paye 3 fois le prix du jeu pour avoir un jeu. Non, merci. C'est beau, je vais passer. Ça pour dire. Fini! Oh! J'ai pas vraiment de mention spéciale. Quand je dis que j'ai rien joué cette année, là, c'est ça. T'as joué 3 jeux, c'est tout. Ah, à peu près. Honnêtement, j'essaie de revoir les jeux que j'ai joués, mais... Ben, t'as joué dans Excel, là. À peu près, genre Excel à faire des documents, puis à faire de l'overtime, puis à genre me demander. T'as fait du Visual Studio un peu, hein? Hein? T'as fait du Visual Studio, toi. Ouais, c'est ça, tu sais, pour calculer mes heures d'overtime, puis. Fait que ça pour dire. Attention, c'est très tabou, ça, comme sujet. Ah, on partira pas là-dessus, parce qu'on finira pas. Et voilà. Fait que, Sommes-nous rendus au numéro 1? Numéro 1. Number 1. C'est juste à dire que l'accord gâteau fruit et Bernus est pas super. OK. Ah, il était meilleur avec la Gigantic. Non, non, la... Ou la Dubelle. La Dubelle. Non, la Dubelle, c'est... Non, avec la... La Wii Heavy Bourbon, c'est ça. OK, on va t'essayer ça live. Ça m'a fucké à cause qu'il n'y a plus dans le rang. Excuse, j'ai changé de rang. En ordre, OK. Fait que, number one. Allez-y, mon cher. Ah, the number one is. Axiom Verge. Nice. Étant un gros fan de Metroidvania, Castlevania et autant Metroid, les deux, si on a pas de chicane. Là. Merci. Fait que Axiom Verge, c'est un jeu que j'ai acheté à plein prix parce que je l'ai pas acheté d'invente parce que je l'ai pris trop tard. Fait que, j'ai acheté à plein prix, mais je l'aurais aucunement mon choix. En gros, j'ai dit que c'est un Metroidvania, mais plus qu'il tend plus vers le Metroid, plus que le Castlevania, c'est vraiment t'es dans un univers science-fiction. En gros, tu joues un scientifique qui fait une expérience qui est un peu avec des trucs temporels, trucs dommage, je sais pas. Bref, il se fait téléporter dans un autre monde, qui est comme une espèce de gros alien vraiment fucking huge. Puis là, toi, tu t'allies genre malgré toi à eux pour sauver, battre le méchant. Je vais pas dire c'est qui le méchant, parce que c'est quand même un gros spoiler. Pis... C'est Luke Skywalker. C'est Hitler. Asti d'Hitler. Il est partout, le tabarnak. C'est lui dans Star Wars. Kylo Ren, c'est Hitler. Ouais, Kylo Ren, c'est Hitler. Ouais. Si. Je peux plus voir le film. On va pas tout te spoiler vu que tu l'as pas vu non! encore. Ouais, moi aussi, là, s'il vous plaît. Ok, bon, ouais. Bref, c'est ça. Ça. Tu sens la limite entre le rip-off et l'hommage est quand même assez mince, mais. Il y a beaucoup de nouveautés et de trucs nouveaux pour faire. Pour l'impression que tu joues une nouvelle expérience de jeu. Beaucoup de les power-ups sont vraiment intéressants, les upgrades. Tu t'attends. C'est pas un upgrade, tu fais comme. Ah oui, ça va être comme tel upgrade dans Super Metroid. Finalement, c'est comme. Le jeu te surprend à ton upgrade. Ah, ok. Moi, ce que j'aime bien comme upgrade, c'est. Tu pognes des. Voyons, des sarotes chimistes. Tu peux upgrade. T'en as comme 2-3 que tu peux pogner. Puis plus que tu avances, plus que tu peux aller plus loin dans les murs. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça change vraiment l'expérience de navigation que tu t'attends d'habitude dans un Metroidvania. L'autre upgrade que j'aime vraiment beaucoup, c'est le petit droïde. T'as comme une espèce de petit drone que tu peux comme pitcher. Puis lui aussi, il pompe plusieurs couches d'upgrade. Puis à un moment donné, tu peux le pitcher n'importe où. Puis la position que le drone est, ça te téléporte où ce que t'es. Fait que man, tu peux aller partout avec ça. C'est vraiment malade. Là. T'as aussi un gun. Y a-tu une grosse part d'exploration? Y a-tu vraiment des raccoins bien cachés là? Ouais, y a des bouts, c'est comme. T'as des bouts, genre, c'est comme. C'est un tile, c'est comme 16 par 16, pis le drone il fit là, parfaitement. Toi, tu peux pas y aller, là, oublie ça. Là, ok, t'sais. Ok. Sinon, l'autre truc vraiment qui est vraiment spécifique, c'est que t'as comme des glitches un peu partout, pis t'as comme une espèce de gun qui permet de révéler ces glitches-là, pis ça te transforme en plateforme, ou ça débloque des parties de mur qui est comme en glitch. À un moment donné, tu prends aussi une espèce de bombe à neutrons qui pète des gros glitches. Fait que ça permet d'aller vraiment plus loin. Fait que le sentiment de progression est vraiment là. C'est vraiment un Metroidvania vraiment en pub. C'est vraiment une expérience vraiment magnifique à avoir. C'est vraiment, je vous recommande facilement d'essayer ce jeu-là. Si vous tripez Metroid, achetez ça tout de suite. Puis en plus, c'est un gars qui a fait ça tout seul pendant 5 ans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le truc qui impressionne le plus. Je dois avouer, par contre, je suis pas un gros fan du style graphique. Mais quand tu dis que le gars a fait ça, il a fait tout ça. Tu pardonnes un peu. Tu fais comme chapeau, man. Je serais pas capable de faire ça, là, vraiment. Non, c'est clair. Il s'est tapé comme le graphisme, la musique, le code, le level design. Faire un gros jeu aussi gros que Super Metroid puis Castlevania Symphony of the Night. Chapeau, man. Non, c'est quelque chose. Fait que. On le salue! On boit sa santé! T'appelles comment? Il s'appelle Bobby, ouais, je pense! À lui! Santé, Bobby! Bobby! À ta boy! À ta boy, moi aussi! Bobby! À ta boy! À ta boy, on meurt. Fait que Axiom Verge, achetez ça tout de suite. Nice. Quand je retourne à la maison, là, tout de suite, m'aller vider mon pot de change. Oh, là, puis, fais ça, man. Le pot pour l'université de ta fille. Tu vas oui! C'est pas important. Tu râles ou quoi, maudit fucké? Il baisse plus qu'il augmente. Fait que Poilman, ton numéro 1. Mon numéro 1, il a déjà rendu là, puis il nous reste deux bières. Ben, je pense que ces deux bières-là, on va garder post-émission. Post-émission, post-émission, pour, ouais. Okay, ouais. Non, mais on n'était pas supposé avoir notre partie spéciale. Ah, ben oui! Ah, ben, il va avoir la partie spéciale. Bon, okay. On en ouvrira une pour la partie spéciale. Ça va être celle-là, puis elle, au pire... Post-martum. Post-martum. Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'une pause toilette, oui. Qu'ils disent. Ah ouais. On n'a pas assez de jingle pour ça, fait que fais ça vite. Mon numéro 1 cette année, c'est Ori and the Blind Forest. Ah ouais. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai joué à ça late un peu, j'ai peut-être un mois, un peu moins. C'est un jeu de plateforme, Metroidvania, mais vraiment Metroidvania, mais plateforme aussi. C'est vraiment les deux ensemble, là. C'est dur à expliquer. En gros, t'incarnes une espèce de petit bonhomme. C'est comme un petit Lilo ou un Stitch. J'ai pas vu. C'est le pas film. Un furry, ah, là. Un des deux. Un des deux, la patente de poêle. Là. C'est soit la fille ou le petit bonhomme de poêle. C'est pas le poêle. Stitch, c'était le bonhomme. C'est en tout cas le bonhomme de poêle. Puis il faut que tu parcours une grande forêt parce que t'es en train de mourir. Bonhomme de poêle, man. Oh! Oh! Excusez-la. Je l'aime! Fait que tu parcours la grande forêt pour la faire revivre parce qu'elle se meurt. Puis t'es comme la clé du revivage. Elle se mourut. Elle se mourut beaucoup. Puis t'es poursuivi par un gros corbeau badass style Kujouac qui te court après puis qui est pas content. Fait que bref, ce jeu-là, c'est vraiment un platformer tête comme, tu sais, imaginez de quoi de tête, là, aussi vulgaire soit-il. C'est très tête. C'est tête en tabarnak. Aussi tête que ça. Ça saute ce que tu veux, c'est des double jumps, c'est des dashs, c'est actif au bout. Moi, je réfère beaucoup à Symphony of the Night parce que c'est un jeu que j'ai adoré, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup. Je retrouvais cet aspect-là, mais vraiment platforming. C'est super difficile, mais c'est difficile le fun. Tu meurs, tu recommences tout de suite, tu recommences tout de suite. Pis, ah, les short iteration cycles qu'ils disent. Hein? C'est probablement exactement ça. Puis quand tu le réussis pas, c'est bien fait au point que tu sais que c'est toi. Mm. Puis là-dedans, ce qui est le fun, c'est que tu as des boss battles, mais c'est pas des boss, c'est des tableaux. Dans le fond, tu fais ta map en la maîtrise de Blana, va en haut, en bas, pogne un pouvoir, tu peux monter à cette place-là, à cette heure, blablabla. Puis là, maintenant, tu rentres dans une autre section qui est comme un donjon tout seul. Puis ça, c'est le boss. Fait qu'il faut que tu complètes le platforming de ce tableau-là pour le passer. Puis c'est comme un boss, fait que t'as comme du temps pour le faire, tu te fais poursuivre par de l'eau, de la lave, whatever. Oui, c'est super tough. Oui, je pensais que tu battais comme une peinture. Non, c'est pas un tableau de Van Gogh ou de Picasso. Quelle opportunité manquée. Oui. Mais non, c'est super le fun. Si vous aimez les jeux de plateforme, c'est un no-brainer. C'est cute à mort, j'ai eu les yeux pleins d'eau à 2-3 reprises. Malgré le fait que c'est y a pas de dialogue jamais, puis on a un invité surprise. Incroyable. Ben oui, c'est le gars de l'année passée qui est là. Hein? Puis pendant que Gaétan est parti à la toilette. Voilà. Fait que il n'y a aucune idée de ce qui se passe là. Ah, il sait pas là. C'est il surprise. Va après, il peut trash talker. C'est ça. Mais tu peux continuer. Moi, oui, mais non, je veux juste dire que je suis mort 300 fois dans le jeu. Incroyable. C'est un peu comme Dark Souls, de Bloodborne puis tout. J'irais, c'est. Mais c'est indiqué à la fin, genre le nombre de meurs, ou c'est tout qui te le conquérir? Non, c'est indiqué, c'est un counter que t'as, dans le fond, c'est vraiment les développeurs sont dit on meurt tout le temps, on va l'indiquer. On est aussi bien leur montrer. C'est une bonne moyenne, c'est un 10 heures de jeu à peu près, t'as le goût de faire le 100% tout de suite. Tu meurs 300 fois en 10 heures de jeu? Oh oui. Oh shit, ok. Le challenge est au rendez-vous. Puis c'est 24 heures d'une journée, on s'entend là. Ouais, ouais. Mettons là que... je sais, je suis pas comme Gaétan, là. Je vais travailler là-dessus. Mais oui, c'est mon... Tu vas comprendre comment barriquer éventuellement. Mon frère incroyable. Monsieur incroyable, pardon. C'est mon top 1. Cool. Gaétan est pas là. Ben, on l'attend, là. On l'attend. Récemment, il y avait quoi? Il y a une envie de pissette? Oui. Un téléphone urgent, il entend un enfant. Parce que la radio n'est pas un médium visuel, on va quand même entre mentionner autres. Qu'il y a 6 grosses bouteilles de bière vides sur la table. Puis bien par sûr. Grosse, c'est minimum 500 ml. Il y en a d'autres à 600, il y en a d'autres à 750. Enfin, je vais pas lui donner sa place. Excellent, top 3. C'est le meilleur 35 secondes de la vague. Meilleur remplaçant. Alright. Bon, ben, fait que sans tambour ni trompette, c'est vraiment pas une surprise. Moi, mon Follow top 1. Loser. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est le jeu qui dans lequel je m'investis, c'est le jeu qui m'habite, c'est je me couche le soir puis je rêve à ça. Si je rêve pas de quand je vais passer à la soirée t'es encore jeune, mais ça, c'est une autre affaire. Non, non, mais j'ai stressé pour le live à soir. Puis il y a vraiment eu un moment où je pensais que j'étais entouré de ces gars-là, puis que c'était comme moi qui menais la patente. Puis Fallout 4 est arrivé tout de suite après, là, parce que Chris, man, c'est Fallout, OK? Puis tu sais, oui, autant Skyrim, c'est Fallouté dans sa manière d'exécuter les choses en comparaison avec Oblivion, que je trouve que Fallout 4, c'est Skyrimifié, lui, par rapport à Fallout 3. Va falloir que t'expliques ça. Ben, ce que je veux dire par là, c'est Fallout 3 était ce qu'il était, puis on a tous joué puis trippé sur ce que lui était, puis OK, quand Skyrim est arrivé, on s'entend, là, c'est le même jeu. C'est juste que c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas le même contexte pis tout. On a déjà parlé, mais moi j'ai aimé Fallout 3, j'ai pas aimé Skyrim parce que j'aimais le fait que Fallout c'est un univers social plus qu'un univers géographique. On avait parlé de ça. Ouais, effectivement. Mais en fait, moi c'est pas tant ça, c'est pas sur ces points-là sur lesquels que je repose mes arguments. C'est plus au niveau de la mécanique, la présentation, le gameplay, les features pis tout ça. Fait que quand t'as un Fallout où est-ce que tu peux pas crafter ben, mais tu peux réparer tes affaires, bon, OK. Puis t'arrives dans Skyrim, puis là, tu peux vraiment prendre certains éléments puis crafter avec des ressources que tu vas miner ou ramasser ou piller ou peu importe. Tu te dis, waouh, le gameplay, l'expérience de jeu a vraiment pris une expansion incroyable, puis je peux tout faire, là. Incroyable! Et voilà! Là, t'arrives dans Fallout, puis tu te dis, ah, ben, Krim, c'est Skyrim. Les tables de crafting, c'est la même maudite affaire que Skyrim. Le radar dans le bas de ton écran, c'est la même affaire que Skyrim, avec le petit icône qui est tout petit, puis plus que tu t'approches, plus qu'il grossit. Puis quand t'arrives à l'emplacement physique de la location en tant que telle, l'icône change de couleur. C'est comme ça que je trouve que c'est Skyrimifié. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que tout le reste, c'est Fallout. C'est vraiment... c'est les bébites, c'est les ennemis, c'est les guns, c'est les sons. C'est le fait que la quête est très personnelle. T'sais, autant dans Skyrim, t'es comme l'élu, le choisi, ou peu importe. Tout le monde repose sur toi en tant que tel. Il faut que tu sauves le monde. T'sais. Là, si tu sauves le monde dans Fallout, c'est de ton ressort. C'est toi qui décides si tu le fais ou pas. Puis moi, les settlements, là, les petits villages, là, non. Non. Je m'en occupe pas. Je fais juste me promener. Je veux découvrir qu'est-ce qui s'est passé là. Puis quand on s'attarde aux détails, il y en a énormément. J'aime ça, Fallout. À cause de ça, c'est parce qu'il y a plein de mini-histoires dans la grande histoire que, on va être franc, là, j'ai mis, quoi, 35-40 heures? J'ai découvert peut-être le tiers de la map. J'ai même pas été à Diamond City, qui est la grosse ville qui on est supposé aller pour la quête principale. Tellement, comme Gaétan l'a dit, quand tu vois un brillant là-bas, tu y vas. Je veux passer encore plus de temps. Je veux tout ramasser ce que je peux. Je vais faire mon hoarder en dedans de moi va se manifester fois 1000 dans ce jeu-là. Je vais tout ramasser, tout emmagasiner, stocker. Puis pour plusieurs autres mois encore, Fallout va gérer mon temps libre. Et c'était mon numéro 1. Toi, Gaétan, c'est quoi ton numéro 1? C'est une belle déclaration d'amour. Ouais, quand même. Mais ouais. Aimes-tu plus Fallout que ta femme, mettons? Oh! Mettons, top 3 avec ta fille et ta femme, puis ce jeu-là. C'est ça. C'est simple. C'est Skyrim, Fallout, ma femme. Hey, on a pété Gilles. Non, c'est ça. Il est fini. Je compute plus, là. Ouais. Non, mais c'est parce que ça, c'est Gilles. Gilles, il a pas d'enfant, lui. Il y a juste une grange, puis un âne, puis une chèvre. Non, excuse, une jument. Pas ce qu'elle a déjà. Il est excellent, là. Plus ce qu'elle a déjà. Non, ça va faire, c'est ma vie personnelle, le calice. Toi, c'est quoi ton numéro 1 qui est en tabarnak? Mais moi, ça surprendra personne parce que c'est la seule chose dont je parle depuis les derniers mois. Binding of Isaac. Afterbirth? Afterbirth, man. Non, sérieusement, ils ont sorti un DLC, puis j'en ai parlé au dernier épisode, mais. Je passe ma vie là-dessus. Genre, du moment que j'ai du temps pour jouer, je joue à Binding of Isaac. Genre, c'est automatique, c'est un réflexe. Genre, parce que, vu, comme je disais, que t'as jamais de run qui est semblable, à chaque fois que tu joues, c'est comme c'est tout le temps nouveau. Tu vas trouver des nouveaux items, c'est jamais pareil. Tu te tentes comme pas. Puis là, vu que tu peux toujours unlocker des nouveaux trucs, fait que là, mettons, tu vas battre tel boss avec tel personnage, ben ah, tiens, on te donne tel item de plus. Fait que là, tu fais comme ah, ben je vais essayer cet item-là. Fait que là, tu vas essayer plus de combinaisons, genre de. Tel mode avec tel personnage, puis ainsi de suite, puis ça finit pas, ça finit juste pas. Fait que je passe tout mon temps là-dessus, c'est ridicule, j'ai 150 heures de jouer à date, puis je sais pas quand je vais finir. Je sais pas comment tu fais pour trouver ce temps-là, anyway. Ben, sais-tu, je joue pas tant que ça, mais le temps de jeu. Non, 150 heures, c'est pas jouer tant que ça, ça. Non, ce que je veux dire, c'est que. J'ai... C'est un bon point. Non, c'est ça. Mais, non, mais tu sais. Je joue pas tant que ça, mais le temps de jeu que j'ai, je le mets là-dessus. Okay. Fait que tu sais, je joue pas à d'autres choses, je joue à Binding of Isaac tout le temps. Genre. Fait que c'est pour ça que Barrick Numérique est en restructuration actuellement. Exactement. Non, mais on s'entend, c'est 150 heures sur un an en plus, parce qu'il y a encore du jeu original. Ben oui, ben. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est mon numéro 1. Allez l'essayer, ça vaut la peine. Si vous avez joué à Binding of Isaac Rebirth, puis vous avez trippé Afterbirth, c'est comme... Mais pourquoi tout, c'est mieux que l'original? Ça, c'est, parce que c'est t'as, une question plus, qui me titille, t'as plus de mods. T'as l'espèce de green mode qui appelle que c'est un mode où l'argent compte vraiment beaucoup. T'sais, dans le jeu, l'argent compte quand même pas mal parce que t'as des shops parce que tu peux acheter des items. Mais là-dedans, c'est vraiment les items que tu vas avoir... Les plus importants, tu vas les trouver dans ton shop, puis à la fin, t'as comme une espèce de machine de dons que tu peux mettre de l'argent dedans. Puis quand t'arrives à 999, ça te donne là qu'un nouveau personnage. Okay. Fait que tu sais, ça fait que ça, c'est comme vraiment, tu sais, ça t'investit un peu plus là-dedans. Ça t'investit à investir. Ah, c'est ça. Mais sinon. Investissement parlant. Investissement, c'est important. Mais. L'important, c'est ce qui compte. Exactement. Ouais. Ouais. On n'en dira jamais assez des phrases de même qui font pas d'allure. Plus qu'il neige, plus que de la neige. Ben, c'est pas à Montréal, là, mais. Excusez, celle-là veut rien dire. Mais sinon, c'est ça, tu sais, c'est comme le jeu original, mais avec plus de tout. Fait que tu sais, t'as plus de modes, t'as plus de personnages, t'as plus d'items. Fait que ça fait juste. C'est le terme expansion, right? Je vois pas comme un DLC, je vois vraiment comme une expansion, tu sais. C'est pas juste te dire, ok, t'as 2-3 missions de plus avec un petit candy, puis that's it, ça finit là. On a vraiment peaufiné puis approfondi ce que tu peux faire avec tout ce qui existe déjà. Ouais, exactement. Puis ils ont pris justement des commentaires du monde, puis ils ont amélioré le jeu en conséquence. Il y en a qui diraient que Mario 3, c'est une expansion de Mario 1. Ouais, non. Non. Il n'y a personne qui dit ça. J'essaie de voir qui c'est qui a dit ça à un moment donné, non? Peut-être de Lost Prenez au genre. Excusez, c'est les boissons 16 qui me font faire ça. C'est ça. Oh, hashtag boisson 16. Yes, sir. Fait que je pense qu'on est prêt à déboucher la dernière. Bon, écoutez, fait que. Pour notre segment spécial. Là, faudrait la déboucher avant de mentionner le segment spécial. Ouais, effectivement. Faudrait le comprendre aussi. Fait que bref, on a déjà débordé. Là, on a fait un appel à tous. On a demandé à tout le monde de flasher leur lumière. L'hélicoptère TVA nous a confirmé que le mouvement est en branle actuellement. Puis parce qu'on est live, ben, on sait que ça se passe. Fait que. On va continuer à déborder parce qu'il n'y a pas juste Guilla qui peut faire ça. Puis encore moins Jean-Marc. Ah, c'est Jean-Marc. Non, mais allez, gars, bref. La sens de défoncer. On défonce la nouvelle année. Mesdames et messieurs, barriqueux, barriqueuses et cher public ici présent. Pour tout ce qui s'est passé cette année, grosse année, barrique, bref. J'allais chercher. Boy, longue liste! Très longue liste! Fuck la longue liste de deux items! J'allais chercher l'édition spéciale 2015 élevée en fût de Bourbon et brandée de 12 à 25 ans d'âge, la grande cuvée Porter Baltique de Les Trois Mousquetaires. C'est du beau, ça! Mesdames et messieurs, c'est 10,5, c'est la dernière! En fait, t'es non la moindre. Non, mais. Scrape pas à magie, toi, là! Oh, ouais. Je connais un dépanneur pas loin d'ici, puis il nous reste. 1h09 pour pour plus de bouée. Attention, fait que là, ça c'est un bouchon de liège là, on niaise pas avec ça. Attention. Ouais, il va être long au vrai lui. Ben non. Oh, oh! Ouais. Je suis sûr qu'on est allé dans le rouge ici. Fait que là on va verser ça. Entendez-vous ça? Ah, c'est beau. C'est beau, hein? J'ai une émotion. C'est pense comme... que je viens du, même. Tu sais, tu viens du dans tes pantalons. Oh, c'est de la poésie. L'humidité a monté dans le studio quand ça... Ah, c'est ça, le feeling. C'est pour ça qu'il fait chaud dans les locales. C'est toutes les bières qu'on j'ai mal dans les genoux, je comprends. Hey, la broue de ce bière-là est colorée, là. C'est pas... Ça, c'est signe que c'est une bonne... Ça devrait être pas si pire pantoute. Fait que pourquoi une bière spéciale pour marquer une année spéciale remplie de spécialités? C'est parce que as-tu eu un deal sur le mot spécial? Je les achète au Club Price. Ah, c'est ça. C'est fait que là, d'essayer de passer le plus possible. C'est 11 pour le prix de 10. Ah, pas super. Bien content de ça, moi. Quand même. J'achète ça avec mes paquets de bobettes. Fait qu'on salue Costco. Hein? On les salue. Absolument. Fait que si, tu sais, d'un coup, qu'ils nous sponsoriseraient. Fait que... Ben, spécial temps des fêtes, spécial plein d'affaires, jeux vidéo, enfance, je suis-tu moins. On a dit que ça serait le fun de parler un tout petit peu de ciné-cadeau. Dans le fond, c'est le segment Raconte-moi ton ciné-cadeau. Et t'sais. Voilà. C'est-tu Fabienne ou. Comment elle s'appelle? Fabienne. Fabienne Larouche. Ouais. Non, c'est qui l'autre là, qui nous fait l'amour avec un grand A? Jeannette. Jeannette, elle pouvait pas venir ici ce soir avec nous pour en parler. On l'a invité pourtant, tu sais. Il y a plusieurs. Oh, mais t'as peu, tu me fais penser à quelque chose. Avant, dans Ciné-Cadeau, il y avait pas des acteurs, genre jeunesse, qui présentaient les films de Ciné-Cadeau. Mais semble que oui. C'était pas Canal Famille, ça. Non. Ciné-Cadeau, c'était qui faisait ça? C'était pas Jean-Joël ou. Ouais, peut-être. Ou Christian Bergin, peut-être. Non, peut-être pas Christian. Ben, si c'est pas du monde de Canal Famille, je sais pas. Qu'on lance un appel à tous. Quel acteur, actrice faisait les présentations? En tout cas, moi, je peux aller chercher. En quelle année est-il né et quelle était la couleur de ses bobettes lors de sa graduation du primaire? Moi, je peux encore aller chercher ma cassette du le Canal Famille Chante Noël. Ah oui, j'ai ça chez nous. Moi, j'ai le CD. Moi, j'avais la cassette. Un laser disc? Les gars, on a clairement pas assez d'effectifs de matos pour pouvoir diffuser ça live. Mais bref, santé. Ben, cheers. Santé. Les gars, Porter Baltique. Racontez-moi donc votre ciné-cadeau. Avant ou pendant qu'on boit? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toi qui décide. Quelque chose qui a frissé. Après, bonsoir, avant que je te J'ai pogné un bouillon en racontant mon ciné-cadeau, esti. C'est dangereux, ciné-cadeau, pareil, hein, quand tu regardes ça. Ok, mec, Michael, ton ciné-cadeau, genre, ton expérience ciné-cadeau, raconte-la. Ouais, mais tu sais, moi, je suis né ici pour ça, quasiment à soir. Ben, c'est ça, tu sais. Astérix. Astérix. Ouais, mais t'as vu lequel? Tout. C'est comme quand on te demande de choisir un de tes enfants. Là. Non, mais trop, on va faire un top 3, mettons. Là, on va faire comme la surprise de César. Oh. Chez les Bretons, les 12 travaux d'Astérix. Ouais, ouais. Ça, c'est le 1 ou c'est le 3, ça? Non, les 12 travaux, c'est le premier. Ah, c'est le premier, ouais. Puis le seul qui est vraiment pas bon, c'est comme le premier film qu'ils ont fait, là, c'est comme l'Astérix le Gaulois. Là. Ouais. C'est comme tu le pognes là, t'es assis là, tu comme, ah, qui c'est qui a assumé cadeau à ça, là, tu tombes là-dessus, tu fais comme, tu l'écoutes pareil parce que c'est astérique, mais t'as comme un goût amer dans ta bouche pareil en ce moment, tu comme, il est moins bon là, tu vois, les dessins sont vieux, l'animation est boboche, l'histoire est comme, ouais, c'est ça, tu sais. Mais attends, tu vois que c'était le premier, tu sais. Non, c'est ça. Tu vois qu'il y a encore de la job à faire. Exactement, tu sais. C'est pas genre Cléopâtre, 12 travaux, surprise, ça, exact. Tout le reste. Fait que tu vois. Tu sais, ça fait genre 30 ans qu'ils passent à Astérix, mais tu t'écœures jamais de les voir, là. À chaque année, genre, je l'ai même acheté en DVD à mes neveux, pis comme, je pense que je trippais plus à l'écouter qu'eux autres, c'est à ce point-là, tu sais. Autre génération d'ingrats. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est intergénérationnel, tu sais, mon frère, il écoutait ça avec mes parents, il était jeune. Moi, j'écoutais ça en année, mais quand même, comme 12 ans avec mon frère. Ben, quand même. Confession et outrage de vie, j'ai jamais vraiment très, très été un ciné-cadeau eux. Ou un ciné-cadeau, je sais pas trop comment est-ce que tu veux dire ça. Yes. Non, surtout parce que ce que je vais dire là, ça concerne ma fille justement. Donc ça implique du caca. Non, pas tout. C'est que pour une des soirées où les choses en arrivent ainsi, je me ramasse seul à la maison avec ma fille, ma femme, ma conjointe est partie faire d'autres activités. Puis elle est partie brosser. T'sais. Oui. Ben écoute, étant la femme d'un cassette, elle a comme un peu pas le choix. Mais toujours est-il que tournez pas sa TV, tombe sur Astérix et Cléopâtre, laisse sa télé et je vous jure, elle a juste 10 mois là, mais les yeux se sont palmés sur l'écran, on l'écoutait ensemble. Tu sais, il y a quelque chose qui connecte avec l'enfant en toi ou l'enfant que tu es toi. Puis je pense que c'est comme devenu là une tradition que j'ai envie d'instaurer. J'ai envie que ça le devienne un peu un rituel de Noël. Puis j'ai eu du fun à aller regarder le film, c'était plaisant là. Non, mais c'est ça, mais je pense que c'est pour ça qu'ils gardent ces mêmes films là parce qu'ils rajoutent des films un peu de temps en temps, mais ils gardent Astérix, les 9 vies de Garfield. Il y a l'aspect classique de la chose. Ça demeure un classique saisonnier, ouais. Comme bien des choses le sont. Regarde, les hosties de lutin de Noël, tu peux pas ressortir ça en plein été. Là. Sauf si t'es au camping. T'es vraiment masochiste. Hein. Ah, puis on s'entend-tu que Télé-Québec, ils ont besoin de ça pour leur carte d'écoute? Là? Hey, on s'entend-tu que le reste de l'année, là, les codes d'écoute de Télé-Québec sont pas si hauts? C'est ça. Les codes d'écoute de Télé-Québec, c'est Ciné-Cadeau puis les appendices. That's it. Tu fais quoi de curieux, Benjamin? Oh! Deux justement, là, ici! Oh! On prend du vino avec! Ouais, hashtag, hashtag vino les Hey, non, non, s'il amène du vin ici, t'as pas compris le concept, lui, là. Là Hey, j'ai du beau vino pour vous, les boys. Va-t'en dépanneur! On va faire du scooter avec des lesbiennes. Pas la même émission, c'est pas la même émission. J'ai encore le t-shirt chez nous. Mais c'était pas les spiraliches, hein, les deux lesbiennes. C'est des gaspésiennes. C'est des gaspésiennes lesbiennes. Je me trompe d'émission. C'est 3600 secondes d'extase, mais c'est correct. Là. C'est ça, ce que j'ai comme marqué dans cette émission-là. Tu sais, quand tu te rappelles plus de la parodie que de l'original, là, c'est exactement... Liche et reliche. Non, mais ça, c'était les clowns lesbiennes. C'est la même chose. Bref, c'est pas pour enfants, ciné cadeau, tout ça. Ok, Poilman, oui. Raconte ton ciné cadeau. Ben, ouais. Vous avez parlé un peu que ciné cadeau, tradition d'année en année. Mais moi, par exemple, j'ai deux petits bémols. Ils ont enlevé Charlie Brown depuis une couple d'années. High five. Ils ont enlevé Charlie Brown. Puis dans le fond, je vais attends, on va faire ça dans le micro. Là. Voilà, ok, bon. Alright! Moi, je le fais pas parce que je vois pas de quoi vous parlez. Mon top 3, moi, ça serait probablement les 12 travaux, le Noël de Charlie Brown, puis le vol des dragons. J'ai jamais vu ce deux film. De ces, non plus, hein? Deux de mon top 3 n'est plus à ciné cadeau. Charlie Brown, je pense, c'est une question de droit par rapport au film en HD. Il n'existe plus en français parce que ils ont sorti une édition en HD de Charlie Brown. Il n'y a pas la traque française. Je pense que c'est une question de droit là-dessus. Peut-être. Vol des dragons, c'est probablement une histoire du même genre. Mais c'est plate parce que c'est ça, ciné cadeau. C'est un peu le trip de revoir les films année après année après année après année. Puis quand il y en a un qui s'en va, que tu aimais beaucoup, ça brise le cœur. Une partie de toi qui meurt. Ouais, c'est exactement, c'est une partie de toi qui meurt. Puis le vol des dragons, il a pas joué longtemps parce que des gens genre un an plus vieux que moi ne savent pas c'est quoi. Un an plus jeune que moi ne savent pas c'est quoi. Deux ans, oui. Trois ans, non. C'est... Il a oui. passé à des moments random, ce film-là. J'essaie de voir, il me semble que j'ai aucun souvenir. Exactement. C'était un excellent film. C'était un film, dans le fond, je pense, c'était scénarisation britannique. C'était basé sur un roman. Puis le studio était japonais. Fait que c'était comme toute une team de japonais qui faisait le film, mais c'était des scénaristes en anglais. Fait que c'était bon, finalement. Fait que c'était vraiment le meilleur de tous les mondes. Décrit comme avoir. Ça, là. Wow. C'était comme pas trop niaiseux, puis c'était bien animé. C'était dans le peak d'animation japonaise. Ah, c'est, un peu comme, c'est un peu comme genre les Cités d'or. Ulysse. En fait, c'était la même team que Dernière Licorne. OK. Ça, il y a des gens qui savent plus c'est quoi. C'était le même studio qui avait fait La Dernière Licorne. OK. Mais moi, je donne un petit aide. Je pense que La Dernière Licorne, ça passait à ciné cadeau, ouais. Right? Oui, ouais, aussi, ça a peut-être passé un peu plus longtemps. Il y a plus de monde qui connaît La Dernière Licorne. Puis étrangement, moi, ça me disait rien. Ouais. En tout cas, c'est de quoi que c'est passé. Puis le Noël de Charlie Brown, c'est Charlie Brown... Mais moi, c'est ça, tu sais, c'est pas pour embarquer sur ton segment à toi, mais moi, le Noël de Charlie Brown, c'est mon plus gros souvenir de ciné cadeau, tu sais. J'ai tellement eu de fun à écouter ce film-là. Tu sais, je suis un grand fan de Peanuts en général, mais tu sais, toutes les cachots, t'aimes ça? Ça vaut même pas le drame cette année! Ça vaut même pas la peine de la rire, restique. Ça, boy. Mais non, ça, je suis un grand fan de la série, puis tout ça, puis... Tu sais, tous les films, tu sais, le Thanksgiving de Charlie Brown aussi, puis tout ça, c'est des films qui sont super le fun. Je pense qu'on a un peu perdu de ça avec les années. Ils sont cultes parce qu'ils sont culturellement signifiants, tu sais. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Mais il y a quelque chose dans Peanuts, je sais pas pourquoi, peut-être que ça vieillit mal ou quelque chose, mais qu'on dirait que les. Mais ça, au contraire. Mais moi, je trouve que ça vieillit pas mal, mais on dirait que les générations à Star, ils embarquent moins dedans. Moi, c'est un film que maintenant, j'apprécierais énormément écouter parce que t'as des niveaux de lecture, un peu comme souvent les films de Pixar sont faits encensés à cause de ça, que t'avais des niveaux de lecture pour les enfants, niveau de lecture pour les adultes. Mais Charlie Brown, là, c'est tout des... Chaque personnage enfant a un problème psychologique. Oh oui! Chacun en a un, là. Puis ça, tu vois pas ça quand t'es kid, là. Mais quand t'es adulte, là, c'est écœurant. Non, c'est fou, là. Même affaire avec le Rebirth des Tortues Ninja. Ah ouais? Ouais, non. Tu parles de celui... Non. Pas lui pour être produit par Michael Bay. Ouais. Parce que personne ne sait c'est qui le réalisateur. Ouais, non, c'est ça. Il y a juste Michael Bay, produit par, puis on est comme evil. Non, ouais, c'est ça. Excusez, D'ailleurs, le trailer du deuxième est sorti. Ouais, j'ai pas osé le regarder parce que je voulais pas vomir. J'ai mordu la table, j'ai serré. Honnêtement, là, j'ai écouté le premier récemment. Là. Après 20 minutes, je voulais me sacrer en bas du troisième. J'étais plus capable. Fait que t'as arrêté parce que t'as encore envie. Non, je l'ai écouté. Oh! Parce que j'étais comme, tu sais, j'étais avec ma blonde, j'en ai l'écouté. Je suis comme, tu sais, je vais le toffer, là. Mais en dedans de moi, je bouillais, là. Genre, je voulais tuer, là. C'était ridicule. Fait que le deuxième, ben, qui mange la merde. Charlie Brown est meilleur que fucking Ninja Turtle. Ça, c'est. Ben, en tout cas, le remake. Le remake, le remake. Oh, oui. Fait que. Mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi aussi, c'est la même chose. T'sais. Charlie Brown, c'est mon plus gros souvenir de ciné cadeau. Sinon, ben, tu sais, Astérix et Cléopâtre. C'est comme. C'est un classique. Le poutine à l'arsenic, man. Sérieusement, pis là, on va mettre de quoi ça à table, là. Genre, j'avais cette théorie-là avec plusieurs personnes de mon entourage, là. Raconte-moi donc. Quand il coupe le pudding, ouais. Parce que tu sais, on s'entend que c'est plus rendu un gâteau qu'un pudding, ouais, là, mais ouais, peu importe, les Français, hein. Mais quand il coupe, là, le bruit que ça fait que ça goûte bon. Ça a l'air de goûter bon. Ben, je me suis attardé à cette question-là, vraiment. C'est ridicule. Tu sais, moi. Mais ben, je suis comme d'accord, parce que quand Poilman a coupé le gâteau aux fruits tantôt, ouais, c'est pas le fait que je l'ai pas entendu dans le micro. Je sais pas si ça aurait été aussi bon. Genre, moi, j'ai toujours pensé ça sans même, tu sais, vraiment réfléchir à la situation. C'est genre à un moment donné, je travaillais avec quelqu'un, puis il me disait, hey, tu sais, on écoutait ce film-là, puis t'es comme, il me semble que le bruit que ça fait, on dirait que ça goûte bon. Je suis comme. C'est pas okay, comme. Fait qu'il y a comme, il y a comme un level, genre, de subliminal là-dedans, qui est comme fuck. Tu sais, il y a un vieux français mort dans une tombe qui a fait le folé de ça, qui, ouais. Qui, comme, qui se revirait de bord, puis qui est joyeux. Alors, c'est ça, lui, il met une pisse dessus, là. Fait... S'il pouvait encore pisser, il se pisserait dessus. T'as fait de sa vie, là. Ah ouais, c'est clair, là. Mais non, on l'a avec nous! Oh, hey! Merci, merci, c'était trop gentil. C'est un gars qui me tient, genre, avec des cordes. Hey, fais cet accent-là plus souvent, c'était vraiment... Une fois in a lifetime, je sais. Toi pis Henri Dace, même combat, genre. Henri Dace, man. Je pense juste à Bruno Blanchet qui parodie Henri Dace. Oui, avec les chiens, qu'est-ce que les chiens, ouais, ça goûte? Ouais, c'est ça, c'est genre exactement la chanson sur les chiens, c'est... Ben avez-vous des impressions sur la bière qu'on boit là? Parce que cette Porter Baltique des Fêtes... Elle est très bonne. On la gaspille de nos commentaires parce qu'elle est excellente. Ouais. Ben c'est ça. C'est côté fumé que je m'attendais pas, par exemple. C'est vrai. Porter. Ouais. C'est ça. Mais écoute, pour parler à travers mon verre, je te dirais que c'est une fucking bonne bière. Mais je suis vraiment pas fan des Porter habituellement. Ouais. Je trouve ça beaucoup trop acide. Ça attaque le ton petit estomac, genre, mais les porters baltiques, surtout les vieillis, comme ça, de Trois Mousquetaires, c'est toujours un délice. Hein. Ça ressemble à la Wee Heavy Burden, un peu. Ah! Beaucoup moins sucré. Beaucoup moins sucré. Ouais, beaucoup moins sucré, effectivement, ouais. Mais ouais, t'as raison, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça a la même opacité, la même couleur. Le même côté bière-dessert, bière-repas. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Le petit arrière-goût de fort, un peu, aussi. Hein. Ouais. C'est le mais fameux t'as deux, fût, t'as deux fûts de bourbon. Effectivement. Ouais. Mais l'autre, c'est fût de bourbon et... Et Brandy. Brandy. Et Brandy. Ah, Brandy, ça, c'est méchant, ça. Brandy, c'est... Ça dépend. C'est fucking bon dans le café un matin. Oh, Chris, non, c'est pas vrai que c'est fucking bon. C'est fucking pas bon. C'est juste mâle. Ouais, le bois pareil. C'est juste mâle. Mets du coureur des bois dans ton café quand tu veux que ça soit bon. Ou du whisky. Mais du whisky irlandais, genre, tu cheap. Ben non, pas du Jameson. C'est aussi méchant que du Brandy. Ben, c'est meilleur que du Jack. Ça, c'est un fait. Fait que tu sais, c'est comme, comme l'alcool cheap que tu mets dans ton café. Genre, on va pas commencer 2016 avec un débat, là. Ben, ok, jusqu'à où tu prends ton whisky cheap, tu sais, c'est comme... Pour ou contre la charte des whisky cheap? Ah, c'est 2014, ça. Non, c'est ça. Maudite charte. Elle nous hante encore. Fait que toi, ton ciné-cadeau, ouais, même ton ciné-cadeau, ton expérience est un peu limitée. Ouais, elle est relativement limitée. J'ai des souvenirs de jeunesse de ciné-cadeau, effectivement, sans pour autant avoir des souvenirs clairs. Fait que les 12 travaux d'Astérix, je sais que ça existe, mais j'ai pas de souvenir de l'avoir écouté quand j'étais jeune. Le formulaire A38. Si tu veux, je donne ça en stock, peut-être. Ah non, je l'ai pas. Tu l'as su? Quoi ça? Non, laisse faire. Oh! Dites-le plus fort, c'est encore plus drôle. Mais je dirais qu'un souvenir qui vient de s'imprégner en moi, c'est récemment là, Astérix et Cléopâtre en compagnie de ma fille qui a vraiment ouvert les yeux, mais grand comme des deux piastres. Mais je pense que c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu vis un moment donné où t'écoutes Ciné Cadeau puis tu vis de quoi. Puis c'est pas quelque chose qui est imposé. La tradition elle se forme, tu sais. Effectivement, on n'a pas de on se fait pas forcer, on se fait pas endoctriner là-dedans. C'est juste la meilleure chose à regarder quand t'es un kid des années 90, mettons on nous regarde là, notre âge. Là, c'est là que ça se passe. Parce que c'est pas mal le seul contenu Noël qui nous parle mais, qu'on vois, avait à cette époque-là. J'avais cette discussion-là quand on travaillait dans le temps au Vidéotron. Puis. Charlotte, c'était en ouais, Vidéotron. Mais non, ça. Puis, tu sais, on se disait, est-ce que Astérix, c'est un film de Noël? Mais tu sais, pour 90% de la population, ça l'est à cause de Ciné-Cadeaux. Mais sort du Québec, mais pas, ça l'est plus. Mais c'est ça, mais c'est comme. C'est pas un film de Noël. Bon, et pour en Provence, nous autres, ça l'est, tu sais. Fait que ça, c'est l'espèce de, ben, c'est comme, de c'est dilemme comme, qu'il y a. C'est comme Die Hard, qui est un film de Noël, mais ben, pas vraiment. Hey, il y a deux types de personnes dans le monde. Le monde qui pense que Die Hard, c'est un film de Noël, puis ceux qui ont tort. C'est ça. Non, c'est ouais, ça. Ouais, ça Die Hard, c'est un film de Noël. Tu sais, comme Invasion USA, c'est un film de Noël. Oh, ça, je savais pas, par exemple, j'aurais choisi dans ma liste. Pour Malone, on a un et deux. Oui, ça, oui. Mais Gremlins aussi. Ouais, Gremlins, le premier. Ben, le premier. Oui, le premier, mais oui. Ah oui, parce que le Gremlins araignée, là. Ah, c'est le deuxième. Hey, ça, j'aime beaucoup ça. Ah, moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, Gremlins ouais, mais 2. Mais c'était sûrement très mauvais, par exemple. C'est un film de le mal, Gremlin d'électricité, puis. Non, le Gremlin araignée. Le premier Gremlin, là, on se le dira jamais assez, mais c'est un très bon film de Noël. J'aime le silence que suit. Non, moi, je suis d'accord avec. Gaëtan. Il fallait vraiment faire les tags. Tu peux m'appeler Paul aussi. C'est comme un peu des frères jumeaux. Ils ressemblent tellement. Ils ont tellement de foin puis de bouette. Ça a barbe. Ça a tout dans la barbe. Mais le 2, ils ont comme assumé. Genre, ça commence plus pour les enfants. T'sais, c'était moins horreur. C'était plus comédie. Ouais, tandis que le 1, il y avait le côté plus horreur qui était là présent. Mais tu sais, au-delà du côté horreur, il y avait... Tu sais, il y avait quelque chose, il y avait comme un charme à Gremlins 1, tu sais, c'est dur de saisir exactement. Steven Spielberg, hein, qui avait comme chapeauté, produit quelque chose. Ah, je sais pas. Ouais, il a fait les deux, mais vraiment, le premier, c'est comme, il y a de quoi. Il y a vraiment une ambiance, tandis que le 2, tu sais, c'est comme plus drôle qu'autre chose, t'sais. C'est tellement c'est absurde que ça devient drôle, tu sais. Ouais, ouais. La scène où Gizmo, il se fait genre un arc avec un trombone, puis qui tire. C'est quand même cool, ça. Ben, c'est cool quand t'es jeune, mais quand tu regardes ça en tant qu'adulte, t'es comme, astique, c'est absurde, là, genre, ça fait aucun sens. Ouais, mais quand t'es au bureau, puis tu vois ce trombone-là, un crayon, puis un élastique, tu te dis, Chris, que je peux faire ça, bon, tout après-midi, suite, là, va être là. Le fun. Et voilà. Mais ça, tu passes ça, Ciné-Cadeau, ça? Non. Gremlins, non. On divague. Mais si vous aviez dans. Parce que là, on parlait des anciens films qui sont plus là pour qu'on est triste, puis blablabla. Mais les nouveaux films qui ont racheté, est-ce que vous en avez, vous autres? Non, j'ai pas vraiment. Honnêtement, là, ça fait une couple d'années que j'ai pas écouté Ciné-Cadeau, fait que j'ai pas regardé ce qu'il y avait de nouveau, vraiment. Fait que sommes-nous hypocrites un peu? Ben, moi, je pense qu'on a de la nostalgie envers Ciné-Cadeau, puis on est comme content du temps qu'on a vécu avec, mais à cette heure, c'est dur de comme keep up with it, là. Genre de vraiment le regarder à tous les jours puis de dire ah oui je trippe vraiment, c'est comme puis les jeunes de nos jours ont tellement besoin de choses rapides là, tu sais, ils ont toutes des troubles d'attention là, des troubles de déficit d'attention. Au-delà de ça, c'est juste pour nous autres, ça représente moins maintenant que ça le représentait avant, tu sais. C'est sûr, comme l'autre fois je suis tombé sur le Noël de Charlie Brown qui passait à CBS whatever, pas sans de lit, tu sais, je l'ai écouté là, j'avais du fun là. Mais de là à dire je vais me mettre devant Ciné-Cadeau peu importe le film qui joue, j'ai pas le même sentiment que j'avais quand j'avais les mêmes films qu'avant. Peut-être. Moi, je pense que oui. Peut-être. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui reviennent. T'sais, les Astérix jouent encore. Ouais. Moi, c'est les seuls que j'en regarde. Mais c'est ça. Dans le guide de genre de câble ou de satellite. Ah ouais, c'est ça, j'en regarde. Le reste, je m'en calisse. C'est un bon gadget, ça. Puis comme tu disais, là, Poilman, il y a quelque chose de... Est-ce qu'on aime les nouvelles additions à Ciné-Cadeau? Puis c'est sur le site de la presse que j'ai lu ça. Fouille-moi pourquoi. Ils ont rajouté. J'avais la lecture. J'avais mon interprète qui me le dictait. Là, c'est lent, hein? C'est ça. Mais ils ont intégré à la programmation les Sentinelles de l'air. Et attention, pas la vieille télésérie de marionnettes, qui est fantastique. Oui. En passant, mais les nouveaux Sentinelles de l'air, donc tout en CGI, fait relativement récemment. On parle pas du film réalisé par Jonathan Frake, là. Qui est dégueulasse. Je l'ai pas vu. On parle d'une série d'animation. Mais ça va pas si pire, la nouvelle série. Ben, ça, l'affaire. J'en ai écouté deux épisodes. Ça dure une demi-heure. C'est vraiment basé sur le même carcan que les Thunderbirds étaient à l'époque. Sauf que c'est en CGI. Sauf que c'est traduit en français de France. Fait que c'est les Thunderbirds. C'est pas débile. Puis, tranche de vie, pour avoir écouté beaucoup de Pat Patrouille sur Netflix, ça se ressemble un peu. c'est vraiment fait pour le jeune garçon avide d'action, puis de je vais faire de quoi de bon, tu sais, puis la bonne morale, puis recycler, c'est bon, tu sais, là. Il y a quelque chose comme ça, moralisateur. Ça, on a le discours d'un papa, hein. Ouais, puis ce que j'aime pas, c'est ça, c'est comment ils ont enfantisé ou infantilisé ce que Thunderbirds était. Thunderbirds. Puis il y a quand même de quoi de bon. C'est relativement très fidèle à l'ancien truc. Je vais encore les écouter, là. T'sais, je vais écouter tous les épisodes qui vont passer, pareil. Mais c'est peut-être maladroit, là, comme revisitation de la chose. Sauf que c'est sûr que ça s'adresse pas au même public. Fait que tant mieux si ça passe pour les jeunes puis que le message passe pareil. Ben, écoute, tant mieux. Il y a quelque chose de nouveau dans Ciné-Cadeau qu'un adulte de 32 ans et quart écoute. Je pense qu'ils ont gagné un pari, en quelque part. Mais tu sais, je pense que c'est le côté nostalgie qui va chercher le monde. Ben puis écoute, si c'était pas de l'amour que j'ai pour les anciens Thunderbirds, si t'avais jamais écouté justement les vieux Thunderbirds, les vieux Sentinelles de l'air, j'aurais probablement jamais écouté de nouveau, tu sais. Non, c'est sûr. Fuck all dessus, qu'est-ce que c'est? Fait que c'est ça. Moi, je suis quand même heureux qu'ils aient rajouté Chicken Run à la programmation. Ah ben oui, ouais, ça, ben oui. C'est pas un film de Noël, mais s'il y a des enfants un moment donné, à quelque part dans le monde qui vont dire c'est un cadeau, moi c'est Chicken Run, moi je vais être heureux. Mais je pense que on fait un appel à tous. On s'entend que la plupart des films qui passent au ciné cadeau, c'est pas des films de Noël en partant. Non. C'est des films genre, tu sais, justement pour entertainer les kids, parce qu'ils sont à la maison, ils sont pas à l'école. Ben ça dit, c'est un cadeau là. Un kid, il reçoit pas, je sais pas moi, une canne de Noël comme cadeau à Noël. Il reçoit un jouet qu'il veut jouer avec à longueur d'année là. Fait que ciné cadeau, c'est un cadeau que d'un film que tu peux écouter à longueur d'année. Fait que Ciné-Cadeau. Penses-tu encore les Killucks à Ciné-Cadeau? Je pense que oui. Je crois que oui. J'ai vu une publicité récemment. Oh! Tu vois? C'est encore moi? Piu! Mais ça aussi, c'est hit and miss. C'est hit and miss. Ouais, les... T'as un peu... Tiré, manqué. Ouais, tiré, manqué. C'était lequel qui était au Canada? Lui, t'es quand même pas pire. Mais... Il y en a au Canada? Ouais. Ah, avec le RCMP, je gage, parce que c'est pas mal la seule référence. La GRC. Ah, c'est ça. La Gendarmerie Royale Canadienne. On est rendu à beaucoup de X. Fais ton salut au drapeau, là. C'est ça. Toujours un drapeau du Canada, genre en stand-by au cas où. J'en ai un drapeau du Canada, mais je te dirai pas où et qu'est-ce que je fais avec. J'espère que c'est la même place que moi. Dans le garde-robe avec un coffre-fort. On s'en parlera hors d'ombre. Sinon, fais pas trop de peine à GT, man. Non, man, GT. GT, man. Respect. Je me mêlerai pas de ça. Tu vas avoir des subventions, pour ça? Ben, je pense qu'on aura une subvention là, du gouvernement dans pas long. Un là, jour. Je check ma montre, là. Puis, ben, c'est vrai que le nouveau gouvernement est plus pour la culturation, là. Fait que... Hey, on améliore la culturation du Québec, c'est sûr et certain. Il y a aucun doute là-dessus. Tant que je regarde le temps, je regarde la quantité de bouteilles vides qu'il y a. Je pense qu'il est temps de wrapper up. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Écoute, c'était un fort et heureux plaisir que d'avoir organisé ça et que ça se soit passé. On espère que vous avez eu autant de fun que nous autres, parce que nous autres, on a trippé en tabac. En tout cas, on a bu. Je pense qu'on a bu. C'est ça l'essentiel. J'aimerais qu'on commence par donner une belle main d'applaudissement à Christian Fafard qui a tout organisé ça. Ouais! Direct dans le micro. Bravo, Christian! Yes. Hey, thank you, les gars. Je vous aime. Ah, on t'aime aussi. Donc, c'est super. Un petit applaudissement au public en délire. Public là. En délire! Nos deux invités de feu, Michael Larouche et Yannick Lambron. Ça fait un plaisir d'être encore présent. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. C'est maintenant une tradition. On n'a pas le choix de continuer ça. Ah, écoute, 2016, ça s'en vient. Ouais, puis toi, t'es officiellement barriquement déviergé. Comment te sens-tu? Ah, je suis déviergé en tabarnak. Ça, c'est le genre d'affaire que t'écris sur ta tombe. Genre, je suis déviergé en tabarnak, Michael Larouche 2015. Hashtag barrique numérique. Brassin des fêtes 2015. Les mimes internet s'en viennent très bien. D'ailleurs, j'ai fait ton meme que tu m'as demandé, toi, là. Oh! J'ai hâte de voir ça! J'ai juste été incapable de mettre sur les internets, fait qu'on va essayer de faire ça. On dit que j'ai hâte de voir ça. J'en ai un meme aussi, moi, c'est vrai. On va en profiter pendant que t'es là. As-tu quelque chose à promouvoir? Ta job? J'ai juste ça à faire, promouvoir des choses. Écoute, promou. OK. Fait que un, tribute... acheter des jeux de Tribute Games sont super cool, sont pas chers. On est en avance présentement, là. Mercenary Kings, Curses and Chaos, Wizard sur Steam, PS4. Ah ouais, achète ça, mon grand. J'ose! J'ose! Des bons jeux, esti. J'ose comme t'as jamais jousé avant. Ah ouais, man. Deuxièmement, les Power Terminator, Power Chasers, allez regarder ça de sur les YouTube. Il y a une veste avec des filles tout nues dessus, je dis ça de même. Spoiler alert, vous avez pas juste pour attirer les views. Exactement. Checker mes archives. Et ce n'est pas commandité par François Bellefeuille. Non, effectivement. Checker les archives du conservateur rétro. J'ai eu un projet de mon gars, j'ai fait une bonne job. Allez voir ça. Non, ça vaut la peine, honnêtement. Ouais. Super job. Puis sinon, retrogamer.ca. T'es encore là-dessus, c'est encore là-dessus, ouais. Man. Puis c'est ça, man. Tant mieux, Rustic, man. Alright, man. Fait que, Poilman, as-tu quelque chose à promouvoir, toi? Ben, pas vraiment. À part être à coup de joie, puis battre des loups à journée longue. Le Nunavut. Hashtag de Nunavik. Nunavik. Changer le U par le I, et vous aurez correct de ça. Sinon, oui, moi aussi, je fais partie des Terminacat Power Chaser quand que je descends. On fait des petits game chasing de temps en temps. On s'ennuie de toi, man. Ah, je m'ennuie de vous autres aussi. Je game chase pas beaucoup. C'est pas grave. Quoique, c'est pas vrai, j'ai closé mon année avec plein d'achats. C'est quand même tough game chaser dans Nunavik. Mais t'sais. Là, j'ai un projet en 2016. On m'a parlé qu'il y a déjà eu une arcade à Kujouak. Sérieux? Ça me titille le bout des tétines. Parce que c'est clair que ces gens-là. Ça aussi, comme épitaphe, là, genre ça me titille le bout des tétines. Poilman 2015. Brassin des fêtes. Brassin des fêtes. Ben d'accord avec ça. Je suis sûr qu'ils n'ont pas descendu les machines. Fait que peut-être à quelque part dans un shack, il y a des machines d'arcade. Tu te ramènerais ça à la maison. Si jamais il y a un Neo Geo à quelque part, je pars avec le board. Pis, on va faire de quoi. Que c'est ça. Sinon, sur les Twitter, de temps en temps, je pose des photos de thermomètre. De chien. C'est pas mal ça. Neige, un truc dans les oui, de neige, j'ai posté de la neige. Puis quand on est vraiment chanceux, il y a une photo de chien avec un thermomètre. Oui, c'est vraiment intense. C'est next level. Ah, ça, c'est vraiment quand il y a une bonne journée. Ouais. J'ai juste de tweeter ton « ça me titille le bout de titine ». J'avais pas le choix. Ça rime, c'est fait. Ça rime en plus, tu sais. Ah, c'est parfait, c'est parfait. C'est dur à dire, là, après 7 bières, mais... C'est ça. Mais sinon, nous autres, on n'a pas grand-chose à promouvoir autre que la barrique. On sait qu'on est un peu down sur le Podbean. Ça revient. Ça fait partie de mes déceptions 2015. Ça fait partie de nos déceptions aussi. Puis on s'excuse. Il y en a qui sont devenus parents, il y en a d'autres qui sont devenus... À croix basing ou à Isaac. Ouais, c'est ça. Puis ont changé carte de crédit. C'est ça, ces affaires-là, tu sais, les détails. Là. Fait que ça s'en vient, puis on va avoir toute une nouvelle plateforme, puis toutes ces affaires-là. On va vous tenir au courant, puis de toute façon, cet épisode-là va être en ligne en quelque part. Ouais, ce brassin des fêtes 2015 sera sur les ondes de archives.org, je crois. L'année 2016 pour la barrique s'annonce nouvelle, renouvelée et amplifiée. Avec toujours plus de plaisir, puis de bruit. Et de hashtag douteux. Hashtag douteux. Ou louche. On va dire douche louche. Exactement. C'est comme de la chloche, un peu. C'est pas clair. Oui. Par exemple, parlant de 2016, vite, avez-vous de quoi que vous espérez en 2015? Oh shit! 2016? Vite, là. Je m'en allais les écrire, mais je m'en rappelle plus. Ah, bon, mais toi. J'ai pas une tonne de trucs. Tu sais, je vais peut-être avoir une PS4 en 2016. Fait que, tu sais, je vais peut-être découvrir la nouvelle génération. Puis je suis comme tout énervé, là. Mais sinon, t'es pas un jeu en particulier. Fait comme, oh, wow, j'ai vraiment hâte à 2016. C'est pas. Non. Tu vois, c'est triste. Pas Mighty No. 9, voir que ça a l'air. Ouais, mais toi, t'as déjà joué un peu, toi. Ouais, ben, le public a l'air de vouloir dire quelque chose. Moi, je voudrais faire l'amour. J'ai hâte quand même, j'ai hâte de voir ce jeu-là. Donald Trump. Ouais. Donald Trump for president. Aussi. Hillary Clinton 2016. C'est ça. Ça aussi, j'ai bien hâte. Ouais. Sinon, Alex, il veut pas se prononcer, il a trop peur. Je comprends. Mais non, 2016, moi je souhaite que la barrique continue de pousser parce que c'est toujours un plaisir de vous écouter. Ah, merci. Ben merci, merci. Vous me la flattez. C'est gentil. Je vous écoute quand je prends un bain, ça m'arrive. des fois, je fais du ménage. Puis la dernière fois que je vous écoutais, j'aime mieux pas trop vous en parler. Parce que ça passe à la radio, cette affaire-là. Ouais, c'est un plaisir parce qu'on découvre les jeux vidéo. C'est ludique, puis ça nous permet de faire un screening bien clair de ce qu'on souhaite. Fait que pour 2016, on n'achètera pas de la marde grâce à vous. Ah, merci beaucoup. Merci. Autant pour les jeux que pour la bière, j'espère. Puis parlant de tout ça, il y a des espoirs que nous soyons, pas en direct, mais dans des circonstances circonstances d'enregistrement plus intéressantes devant public. On vous tient au courant là-dessus. Il y a certains pourparlers qui se sont faites. Bon, le monsieur! C'est dit. Pas par moi, par exemple. Fait que c'est cela. On va travailler fort pour vous donner encore plus de bon contenu, encore plus de doutes louches. Puis ouais, me... si vous le voulez, oh, là, on s'entend que si vous n'avez rien à sacrer. Donnez-nous de l'amour, puis on va vous donner tout ce qu'il faut pour aller avec. Yeah, boy, ça sonne naughty en maudit. Ouais, ben ouais. C'est ça le but. Fait que, encore une fois, un gros merci à toute l'équipe qui est derrière cet enregistrement et cette diffusion live. Studio de Rouen, si vous avez un événement à faire, un show, un spectacle, une soirée, un party, n'importe quoi, la salle du 110 ici, là, c'est vraiment top nickel. C'est la fête incroyable, le 26 mars. Puis on vous tient au courant pour tous les développements. Si vous avez des choses à partager, allez-y fort. Le Facebook, le Twitter, très bientôt le Tumblr, genre. Ben oui, le Tumblr, vous écrivez plus, mais... Oh. Ben là, ouais, tu vois, on en reparlera du Tumblr. Ben oui, ben oui. C'est une autre histoire. Mes dessins, mes dessins! On veut encore le dessin, hey, le dessin de Tourette. Tu nous en as envoyé rien qu'un! Il n'y a pas un autre concours. Fait qu'on va partir un concours de dessin. Il n'y a pas un vendredi 15 janvier? 4 janvier, ouais, 4 janvier. Ben je sais pas, moi je fais un concours de dessin right now. Là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être dessiné, là? La seule affaire que je peux penser, c'est encore une aubergine avec des lasers, mais il faudrait comme amplifier la chose. Fait que j'aurais besoin. Attends, dessinez-nous un gâteau aux fruits vivant oui. Avec un otage comme compagnon. Puis puis une tourette de Portal. Puis une tourette de Portal à côté. Dessinez-nous ça, puis on va trouver un gagnant. Puis on va l'inviter. Moi, je capote. Fait que, écoutez, pesez sur pause, cliquez sur sauvegarder, puis si jamais votre save file n'est pas corrompu, on se revoit la prochaine fois. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.